Et voici maintenant une compilation des meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou, diffusées tous les jours du lundi au jeudi, soit Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de cons de 11h à 13h. Bonne écoute! On l'accueille maintenant Frédéric Bernard, c'est celui qui parcourt les contrées, les vents et marées pour affronter Internet dans Google Globe. Je trouve qu'il a choisi une chanson similaire à celle d'Indiana Jones qui affrontait pas vraiment Internet dans le temps, mais bon, il y a... Ouais. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il le ferait. Peut-être qu'aujourd'hui, il le ferait. Certainement qu'il le ferait. Ben, il l'a essayé dans le dernier film. On a vu ce que ça donnait. Il est sur Internet pour vrai? Non, mais il y a un côté un peu scientifique, électronique, science-fi. Il y a des extraterrestres, en tout cas. Ah ouais? Mais... Ah ouais. C'était pas bon, mais... ça me surprend pas, les suites de trop, des fois, ça arrive. Oui, je suis meilleur, en tout cas, avec le Science Fair à date. C'est ça. Toi, à date, t'as 10 chroniques de 9 d'accomplis. Oui. Et aujourd'hui, c'est la 10e chronique. La 10e. Le chiffron, on aime ça. Mais oui, fait que d'habitude, on fête ça, on a des ballons. Ah, maudit. Ben oui. J'ai pas le stock... Ben moi, j'ai apporté des ballons. Dans ces poignées de ouais. Je voulais décorer la pièce juste pour ça, fait que juste pour dire que c'était mon 10e. J'ai hésité à venir très tôt ce matin pour décorer justement avant que vous arriviez avant l'émission. Mais non, j'ai pas la grosse tête pantoute. Donc numéro 10, je me fais que ta recherche sur internet a un rapport avec ton anniversaire. Non. Ah ben outrage, j'aurais pensé. Presque pas. En fait, c'est subtil dans le titre. C'est subtil. En fait, ben je pensais justement à ça. J'étais pas capable pendant que je faisais ma chronique que je cherchais une question, parce qu'on se rappelle que je cherche une question parfois plus absurde que d'autres, mais toujours un peu dans l'absurdité si on est capable, voir finalement qu'est-ce que Google va nous proposer par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que Google, dans le fond, vu que Google détient toutes les réponses? La vérité infuse. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque la question n'a pas nécessairement de réponse? OK. Alors, t'as fait exprès de trouver une question qui ne peut pas avoir de réponse. Oui, depuis le début, c'est ça que je fais. Je pose des questions alors pour pas nécessairement trouver des réponses, et parfois, curieusement, on en trouve. Réponse. Alors, on navigue au travers de Google de cette façon-là. Alors, j'étais en train de me pencher sur cette idée-là. Je relis mes anciennes chroniques, je me réécoute, je m'esclave de rire devant chaque joke. Les tiennes, celles de Tania, les miennes, ouais. Tombent tout le temps à plat. Ah, tout le temps. Tout le temps. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? On peut pas être bon dans tout. On a pas tous les talents. dans le fond, alors, je pensais à ça, à cette chronique-là. Et je pensais justement au 10e de cette chronique-là, quelque chose pour marquer le coup. Alors, comme je t'ai dit, le sujet, c'est subtil. Alors, j'ai posé à Google la question, ben, vu que moi, c'est mon 10e, ben, qu'est-ce qu'il y a 10? Entre guillemets, qu'est-ce qu'il y a 10? Oui, qu'est-ce qu'il a? Donc, je peux le mettre à l'imparfait. Là. Qu'est-ce qu'il avait 10? Ou au passé, là, avait 10? Qu'est-ce qu'il y a 10? Que fut 10? Que fut 10? Ça aurait été bon, ça aussi. Je sais pas. Ah, je peux-tu revenir la semaine? Oublie ça. Laisse faire ma chronique, je passe là-dessus, moi. Que fut 10? Mon Dieu, ça aurait été donc bien été meilleur. Mais... Je suis là pour t'aider. Mais oui, pas au bon moment. Oui. C'est ça. T'aurais dû me le dire. Je te les envoie d'avance, en plus. C'est ça, en plus. Si seulement j'ai lisé à l'avance. Mais oui. C'est ça. Tu fais pas ça? Non, je m'excuse. Dis-moi pas que t'es quelqu'un qui a pas le temps de lire toutes les chroniques de tous les chroniqueurs avant. Tu me laisses faire n'importe quoi. Oui, ben c'est ça. Je laisse carte blanche, cher chroniqueur. C'est votre endroit pour parler, votre tribune. Donc, qu'est-ce qu'il y a 10 et on a 36 résultats? Oui, alors j'ai été, ben là, dans le fond, j'ai pas eu beaucoup de résultats, curieusement. C'est pas en ben fait, ben ça, ouais. Oui, j'ai dû faire un énorme tri. Il faut dire que dans les 36 résultats, Google, à la fin, va me proposer les plus pertinentes, selon lui. Oui. Et à la fin, il va me proposer d'inclure les recherches qu'il a lui-même écartées selon son algorithme. Oui. Et si j'inclus, dans le fond, les recherches qu'il a écartées, je me retrouve avec un nom faramineux. Ouais, parce que c'est juste le mot QU apostrophe, le EST, oui, c'est le ça. CE. Non, mais c'est surtout que le nombre de top 10 qui existent sur Internet n'a juste pas de bon sens. Fait que c'est surtout ça qu'on me proposait. Donc, j'ai ressorti beaucoup de top 10 aujourd'hui, je vous le dis d'avance, mais j'ai ressorti des top 10 que je trouvais intéressants. Je dirais pas jusqu'à dire pertinent, non, parce que je pense à un particulier, mais non. Pertinent comme dans sa cause des pertes. Oui. De temps. Oui, ça oui, ah, par contre. Ah, c'est bon, ce perte de temps, Tina. Et le nombre de temps de vie que j'aurais pu récupérer sans cette chronique-là. Ouais. Bref, comme le dit un homme sage, appelons-le Frédéric Bernard à chaque semaine, oui. La chronique, elle va être courte cette semaine. Ben oui, ah, mais... fait que commençons et finissons dans 45 oui. minutes 50 mais, environ. Mais je n'irai pas, à dire, juste que, j'irai pas à dire ça aujourd'hui, parce que je vous rappelle, c'est des top 10, fait qu'il faut que j'y passe. Donc, le 1, le 2, le 3, fait que tu sais, c'est différents top 10, fait que avec un top 10, tu peux faire une chronique. Ben là, j'ai comme plus d'un top 10. Ben bref, on prend notre chapeau avec la petite larme en avant. Oui. Et affrontons cette question. Oui. Qu'est-ce qu'il y a 10? Page 1 à 5. Alors, on se retrouve dès le début, alors avec quelque chose qui est tout à fait pertinent et qui ne joue pas du tout avec les probabilités. Alors, le Journal de Montréal qui nous explique qu'est-ce un top 10 de ce que Justin Trudeau pourrait changer au Canada. Ah. Parce qu'il y a juste 10 choses que Justin Trudeau peut changer c'est au ça. Canada. Il pourrait faire bien des affaires, mais on a choisi 10... Changer de coupe de cheveux un jour, peut-être. Exactement. Oui, c'est ça. Fait que, ben, évidemment, quand je lis ça, je le relisais tantôt et j'étais un peu. Je trouvais un peu absurde comme article. N'ayons pas peur des mots parce qu'on est vraiment dans le. Ça pourrait. Ben, rendu là, tu peux. Ben oui. Tout est possible quand il y a un changement de gouvernement rendu là. Pourquoi changer la peinture, c'est les murs du Parlement? Ben, il a repris, en fait, des phrases populaires qui est ressorties du Parti libéral de Justin Trudeau. Et on donne un top 10 de ce qui pourrait arriver au Canada. Alors, les affaires de pot, là? Dans le top 1, justement, étant que la marijuana pourrait devenir légale. Oui. Alors, être légalisée. Alors, ensuite, passons vite celui-ci que sans doute tout le monde a déjà discuté dans sa vie de tous les jours. Top 2, ça a plutôt passé inaperçu. Ben oui et non. Le port du NICAP pourrait être autorisé. Alors, on aura beaucoup reproché au NPD de ne pas se placer contre le NICAP. Oui. Pourtant, le Parti libéral ne s'est jamais placé contre non plus. Okay. Alors, je me rappelle, durant les élections, tout le monde tapait dessus. En tout cas, j'ai pas de vieille rancœur. le péage pourrait être annulé sur le nouveau pont Champlain. Ah ben. Ben oui. Ok. C'est le courrier pourrait être livré à domicile comme autrefois. Et comme on aime les palmarès sur le journal de Montréal, il y a aucun détail. C'est vraiment juste la photo et le titre. Il y a pas de parce que puis ils ont dit telle affaire et de la recherche. C'est juste c'est comme ça. Oui, non, c'est ça. C'est tout. C'est On a même pas de source, en fait, on a juste marqué photo d'archives pour les photos en plus. C'est vraiment là, un gros travail qui a été fait là-dessus. Hein. Oui, ben on continue là-dessus. Hey, c'est quelqu'un dans ma parenté, sûrement Stéphane Plante en plus qui a écrit ça. Non. Je sais pas s'il a écrit ça ou il a copié-collé des phrases sur Twitter, je sais pas quoi. Ben, en fait, tu dois être sa source. C'est peut-être moi sa source. C'est ça. une enquête pourrait être menée sur la disparition des femmes autochtones. Ok. Oui, effectivement. Ouais. Next! Les familles pourraient bénéficier d'une allocation. Le gouvernement pourrait prévoir 3 heures de déficit. Il l'avait pas dit. L'achat des F-35 pourrait être annulé. Le Canada pourrait arrêter de faire des bombardements en Irak. Et les étudiants pourraient avoir 900 millions par année en bourse de plus. Et ça, là, OK. En plus, l'article est de Stéphane Plante avec la collaboration de Jean-Philippe Daou. Ça a pris 2 personnes pour trouver 11 photos, c'est ça? 10 photos et 10 titres. Ouais, exagère pas, 11 photos. Le Journal de Montréal, même. Non, mais pour vrai. Je pense qu'ils ont l'argent pour nous poursuivre, par contre. Je dis ça de ma gueule. je rajoute encore plus que je trouve vraiment que c'est ce que je pense. C'est vrai que cet article-là, je l'avais mis, mais je trouve vraiment que ça n'a. Effectivement, le travail journalistique n'est pas là. Non, vraiment pas. N'est pas c'est même pas pour divertir. Tu sais, des fois, tu peux vraiment mener l'argument de c'était pour divertir le peuple. Parfait, il n'y a pas de problème. Ok, bon, si la petite vie revenait, on invente des scénarios. Ok, c'est du divertissement. Ça, c'était supposé être un article pour te renseigner. Oui. Même pas foutu d'écrire un paragraphe de 3 lignes dessus. Mais il n'y a rien qui est dit parce qu'il y a des choses que c'est sûr qu'ils vont changer avec un gouvernement. Oui. Mais là, on a tout pris les choses qui ont sorti le plus, puis on a dit, ben, super. Ben, finalement, on a fait un vol plané de sa campagne électorale. Exactement. Ben, c'est ça, c'est comme une bande dessinée, genre de l'actualité. C'est même pas l'actualité en 5 minutes que le Journal de Montréal fait qui est au moins un petit peu pertinent. C'est juste un ramassis de niaiseries. Oui, mais ça s'est peut-être pas ramassé dans la section actualité non plus. Attends un peu. Élection 2015. Ouais, élection 2015, c'est pas mal une section actualité. OK, bon, ben on va laisser faire. Dans le sac de chips, ça aurait été correct. Ouais, c'est ça. La section sac de chips, mais pas là. Bref. Tania. Oui. Toi, ma spécialiste en informatique. Bah. Et Boboy. Connais-tu Cortana? Que sais-tu de Cortana? Une chance que tu me demandes pas, parce que moi, je le sais. Attends, c'est pour ça que je te le demande pas. J'ai la page devant moi. Je sais pas, honnêtement, je connaissais pas Cortana avant d'ouvrir cette page. Mathieu, tu connais Cortana? Oui, c'est l'équivalent de Siri chez Microsoft. Donc, l'assistante numérique personnelle qui répond à tes questions et te donne la météo des affaires. Maintenant, Tania, c'est quoi Siri? Non, c'est... Ça, je sais, j'ai un iPhone. Oh, là, là, là. Mais je dois avouer que je l'utilise pas beaucoup, Siri. Ben, bon, on peut l'utilisez-vous? Pas. Vous... Ben, moi, non, parce que j'ai pas. Non. Ben, je suis capable de taper, j'ai des doigts. Ça. Ben, c'est ça, moi aussi, je me dis ça. Mais ben, Cortana, je l'ai découvert, si on veut, parce que j'ai Windows 10 chez nous. Oui. Moi aussi. Oh, toi aussi? Oui. As-tu des problèmes avec ton menu démarré? Oui, ah, oui. Tabarnak. Hey, une fois sur deux, il ouvre pas. Le menu de recherche, le menu démarré, et pour moi, j'ai beaucoup besoin du calendrier. Il ouvre pas! Il ouvre jamais! Faut que j'aille sur google.com/calendar pour avoir un calendrier. Colin. Mais oui, moi aussi, c'est la deuxième frustration du jour. Mais là, la mise à jour a été faite, puis ça marche en ce moment. Ah ouais? Pas vrai. Mais c'est comme une fois sur deux. Yeah. Bon, ben Cortana, ça fait partie de Windows 10. Oui. Alors qu'on peut accéder grâce au menu démarrer. Regarde, je fais des liens. Cortana, alors dans le fond, c'est un logiciel justement qu'on peut parler directement et qui va répondre à nos questions. Mais c'est vraiment tout. Tu peux vraiment y poser n'importe quelle combien question. Combien fait-il à Las Vegas, mettons? Est-ce qu'il y a du trafic à Montréal? Tu peux y demander « Hey, Cortana! » Puis oui, attention, quand tu dis « Hey, Cortana! » Puis sur le programme, Cortana s'allume. Ouais. C'est comme Siri, quand tu dis « Dis Siri » sur l'iPhone, il te demande de dire « Dis Siri ». Tu peux programmer comme « Hey Siri » si tu veux. Mais je l'ai essayé sur mon ordi avec micro, tout, puis je l'ai programmé. Puis ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Alors, tu dis « Hey, Cortana! » Puis il s'allume tout de suite. Tu peux lui demander « Hey Cortana, conte-moi une blague. » Oui, il va te raconter une blague. Il va te raconter une blague. Ouais, ils sont pas les meilleurs. Mais il compte des blagues. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est en plus, c'est super geek parce que Cortana, c'est genre un personnage dans Halo. Oui. Bon. Oui, c'est comme le même nom que dans Halo, mais c'est voulu parce que Microsoft, tu sais, Xbox, puis même famille parentale. C'est ça, c'est toute la même famille. Médiatique, voilà. Mais c'est vraiment un logiciel avec lequel tu peux discuter. Tu peux dire à Cortana, programme-moi le 7 juin, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Et Cortana va écrire, va te dire, noter dans le calendrier, va t'apparaître justement que le 7 juin, il y a noté médecin. Ah, oh, mais c'est bien. C'est quand même spécial. Oui, c'est cool. Je me sentais vraiment dans le futur quand je l'ai vous, testé hein, pour la. Comme ah ouais, j'étais comme. Ah, mon Dieu. On va écouter. Je crois que j'ai ça. Est-ce que j'ai ça? On va juste essayer d'aller voir ça ici. Il faut que je fasse une petite blague. Une blague de Cortana? Non, ben, pas une blague nécessairement. Je voulais juste entendre de quoi elle avait l'air avec ça. Tiens, ici. Attention. Écoutez. Bonjour à tous. Et carton boîte. Aujourd'hui, nous allons faire un test non, de ça, café. On utilise une laque saupoudrée de poudre d'or. Ah, tiens, il y avait une question ici. Le kintsugi est un petit peu avant. Très bien. Non, avant ça. C'est parti. J'aime ça les trucs prévus sur le coup. Ouais, c'est ça. Bonjour. Ouais. Bonjour. C'est agressant. Hein? Comment vas-tu? Très bien, merci. Quoi neuf? Ça, c'est la voix de la personne qui pose le des questions. Le kintsugi est une technique japonaise particulièrement intéressante. Pour réparer une poterie cassée, ok, j'imagine que quand tu demandes quoi de neuf, elle doit sortir un fait, le fun, de Wikipédia ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Parce que je comprenais pas pourquoi elle parlait de ça. Non, c'est ça, quand je te dis n'importe quelle question, tu lui poses n'importe quelle question, puis elle s'arrange avec ça. Ouais. Une dernière. Raconte-moi une histoire. Tiens. Un polar? Crime. Enquêteur. Mince, c'était lui? Fin. C'était un peu court quand même. Hein? Ah, ok, bon, wow. super exemple. Oh, ok. okay. Donc, Cortana, voilà, sur Windows 10. Fait qu'on va passer à un autre registre. Allons-y. Ah oui. Alors que, bon, Cortana, on était dans les médias, tout, on va rester dans l'univers de Internet. Quand que vous faites des recherches, utilisez-vous des photos sur Google Images ou des trucs comme toujours, ça? Toujours, ça m'arrive toujours. Souvent, des photos ou sur Google Pinterest Google. Maintenant, mais oui. Avant... Ben, vous l'utilisez, mettons, une présentation orale pour l'école. Ah, mon Dieu, oui, on faisait ça. Vous voulez publier quelque chose sur Facebook avec la photo. Oui, ça arrive, je l'ai fait. Oui. Ben, vous n'avez pas le droit. Non, je sais, c'est ça. Vous pouvez être poursuivi. C'est pas. C'est un crime de guerre. Mais... non, mais c'est clair, les gens pensent que... J'ai entendu le commentaire récemment de quelqu'un qui devrait savoir que c'est pas le cas. Mais il dit genre, ah, c'est sur Google, on doit le prendre. Non, malheureusement, non. T'as pas le droit? Non, vraiment pas. Ben pourquoi il l'a mis sur Google? Ben parce que tu mets pas toi-même sur Google. Google va chercher les photos. C'est Google Images qui va aller chercher la photo pour toi, qui va te donner accès. Mais en fait, il y a une fonction dans Google Images qui existe pour des photos qui sont libres de droit. Ouais, voilà. Ça, tu peux les prendre, sans problème. Tu peux t'en servir pour un site Internet. Tout. Mais aussitôt que tu prends une photo à des fins de publicité, à des fins personnelles, dans le fond, pour... surtout pour faire de l'argent, encore surtout, plus. Ben, en fait, si on va plus loin que ça, non, logiquement, tu n'aurais pas le droit. Ouais. Mais mais il n'y a jamais personne qui va te poursuivre parce que, en tout cas, il est con. Tu te poursuis parce que tu mets ça sur Facebook. Ouais, c'est ça, c'est ridicule. Mais si tu te mets à faire de l'argent ou de la publicité sur une photo qui ne t'appartient pas ou que tu as pris sur Google Images, oh, là, tu peux avoir une poursuite assez salée. Et surtout, mettons, exemple, mettons dans le zone campus, mettons qu'on prend l'image qui a été prise pour le Nouvelliste, mettons. Mm-hmm. Oui. Tu sais, mettons, là. Pas que ce serait quelque chose qui arriverait, hein. Mais mettons qu'on pourrait se faire pogner, mettons. Exemple. Mettons, t'es-tu en train de dire ça à la radio, là? Ben, je te donne un exemple comme ça, c'est juste une supposition. Mettons que quelqu'un ferait. Ouais, ça. Ce serait pas légal. Ce serait pas légal. Non. Fait qu'avertissons tous nos petits journalistes, faites pas ça. C'est ça, mais une chance que c'est passé par moi, parce que sinon. Ouais. Dans le fond, c'était. Je parlais des top 10, fait que. Ben, pourquoi je parle de ça? C'est pas parce que je lance ça en l'air, c'est parce que le prochain lien, c'est 10 mauvaises. Attention, la phrase est. En tout cas, 10 mauvaises bonnes raisons d'utiliser une photo. 10 mauvaises bonnes raisons. Ouais, c'est ça, mais c'est un blog, là. On va lui donner une chance. Crime. On s'entend. Exemple. Je commence à développer, je pense, un racisme envers les blogs à force de faire cette chronique. Je pense que je déteins sur toi par rapport à moi. Je suis à la subtile. Donc, en top 1, mais en fait, la fille, je la trouvais drôle pour vrai. Je la trouvais vraiment sympathique. Puis je trouvais que c'était vraiment bien écrit. Puis il y a un sarcasme que moi, ça m'atteint. Moi, je trouve ça vraiment drôle. C'est un gars, c'est Francis Vachon, photographe. Ah, pour vrai, je pensais que c'était une fille. Ouais, non, ah, bon. J'avais lu Francine. Même combat, Francine. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas de mention copyright sur la photo, en fait, c'est faux. Il y a des personnes qui disent, ben, sur la photo, il n'est pas marqué copyright. Non, mais ça, c'est dans le crédit sur le site où la photo apparaît. C'est ça. Ouais. La raison que tu disais tout à l'heure, c'est sur Internet, alors c'est gratuit. Google Images, c'est gratuit. Facebook, c'est maintenant dans le domaine. Si c'est sur Facebook, c'est dans le domaine public. Non plus. Non, puis ça, on le voit à TVA. Crédit photo, pis, Facebook, tout le temps. Puis c'est pas correct, ça. Puis comme je vous disais, mais je ne fais pas d'argent avec cette photo. C'est juste pour mon blog, site web, mon Facebook. Ben non. T'as pas le droit. Non, plus. Tu peux pas. Ah, man. J'avais vu quelqu'un. Ça peut aller jusqu'à 20 000 piastres. Ouais. Ah, c'est ça, je vous ai dit, c'est salé. C'est très salé. Cette photo n'est pas assez belle pour être protégée. Puis c'est là que le sarcasme commence. C'est là que je trouvais ça drôle. Mais j'apparais sur la photo, tu sais, quelqu'un avec Photoshop qui se met sur la photo. Alors, j'ai le droit de l'utiliser parce que j'ai modifié un peu la photo. En fait, il y a un certain taux de modification que tu peux faire sur une photo. Parce que pour avoir fait des recherches. Hein. En fait, tu peux prendre, par exemple, si tu prends une photo pour faire une texture, et que cette texture-là correspond, par exemple, à tant de pixels, mettons, à un coin de ta photo, puis que tu fais ta texture selon ce nombre de pixels-là, ben effectivement, la texture t'est rendue qu'à t'appartient. Ouais. Tu t'es inspiré de quelque chose, mais t'as tellement modifié la chose que on peut plus considérer que l'auteur... On peut plus en fait, l'idée, c'est de ne plus reconnaître la photo originale par rapport à qu'est-ce que t'as fait avec ça. Okay. Mais là, c'est ça, on est dans le domaine du flou. À quel point on ne reconnaît plus la photo originale? À quel moment on dit, ben là, on ne reconnaît plus la photo originale? J'ai mis le nom du photographe sous la photo. Non, ça fait pas que ça te protège. Puis, ben, des millions de personnes le font. C'est le classique. Le classique. Ouais. Donc, voilà, j'espère vous avoir sauvé 20 000 piastres. Tout à fait. Hey, ben, dis-tu quoi? Je suis en train de live comme ça, là. Je suis en train de poster ça sur le mur des journalistes de Zone Campus. Le gars aime ça taper sur le clou. Ouais, mettons. Parenthèse là-dessus, une histoire que j'ai vue, c'est un photographe professionnel qui faisait des photos de mariage. Mm-hmm. Justement, qui postait des exemples de photos de mariage, puis qui faisait mousser son site comme ça, tout. Et on s'est rendu compte, quelqu'un de ma famille, très proche de mon père, disons, s'est rendu compte que ben, les photos sont prises d'un ami. Ah, c'est pas lui qui est vrai? Ouais, c'est ça, c'est une anecdote personnelle. Fait que s'est rendu compte que le photographe professionnel prenait des photos de mariage d'un autre photographe professionnel pour les mettre sur son site. Et s'est en suivi une ostination sur Facebook. Ben, probablement, mais c'était pas la personne concernée qui s'en est rendu compte. Mais probablement qu'elle a fait le lien. Donc, c'était pour vous dire que même si vous le mettez, c'est ça la personne l'avait mis sur son Facebook. Fait que, un, c'est zéro professionnel. Deux... Ben, deux, il vient de perdre sa crédibilité au grand complet. Exactement. Tu prends des photos qui ont pas... En tout cas, voilà. Alors, c'était mon expérience de vue personnelle que partout où vous êtes, on peut vous trouver. Ouais. Ah! Ta tablette est tombée. Oui. Au moment où j'allais parler du Q10. Connaissez-vous le Q10? Oui. Oh, ouais? Ben, devant moi, là. Bon. Ouais. Ben, le Q10, en fait, c'est un antioxydant qui a été trouvé dans le cœur de bœuf au début. Cœur de bœuf. Oui, exactement. C'est sûr que les scientifiques ont fait ça quand ils l'ont trouvé. Sûrement, j'imagine. C'est ça, ça. J'aimerais ça être scientifique, parce que je suis sûr qu'ils font tout le temps ça quand ils trouvent quelque chose, ils se mettent à chanter une chanson. Génial. Donc, le Q10 est un antioxydant très puissant, beaucoup plus puissant que la vitamine E. Oui, alors cet antioxydant-là peut vraiment faire la différence dans beaucoup d'aspects. Alors, autant au niveau du diabète, pour les sportifs augmentent dans le fond leur performance grâce à ça, et c'est naturel. Alors, ils ont le droit. Oui, ils ont le droit, ils ont le droit. Okay. Mais c'est vraiment comme à long terme, à force d'en prendre et à force d'entraînement, en fait, ça l'aide à améliorer l'entraînement. Ça limite les déchirures. Oui, c'est marqué oui. 4 à 8 semaines, ça augmente la résistance à l'exercice. Puis on peut l'utiliser pour l'hypertension, les gens qui ont des problèmes au niveau du cœur alors qu'ils font des insuffisances cardiaques, justement. Alors on peut l'utiliser dans le milieu des mains. Bref, l'antioxydant Q10. Puis il y a des gélules qu'on peut acheter dans les magasins de santé. Des gélules, sinon on le trouve généralement quand on est jeune, mettons avant 45 ans. T'es encore jeune. 40 à 45 ans. Ben oui, Mathieu. ton corps en sécrète normalement dans tes mitochondries qu'on appelle. Ça paraît-tu que j'ai lu l'article. des microtondries, comment? Mitochondries. Ah, alors, on retrouve ça dans la cellule. Alors, c'est une petite usine. C'est ça qui donne l'énergie pour booster. Puis c'est ça qui crée des radicaux libres qui sont des risques de cancer. Voilà. Wow! Paraît-tu que j'ai utilisé mais quand si j'ai fait ma technique? Si jamais ça te tente, là, tu peux en trouver si tu manges un cœur de bœuf, de poulet. Oui. Ouais, c'est ça. Dans différentes viandes, dans différentes noix. Alors, des protéines qui, dans le fond, contiennent cette énergie-là. Mais à partir de 45 ans, ça devient plus intéressant de l'utiliser parce que les mitochondries se fatiguent, justement. J'aimerais prendre 30 secondes pour saluer le chevreuil qui vient de passer devant le studio. Oui, une chance qu'on n'est pas en char, hein, parce que là... Et qui revient et qui nous fait saluer. Un accident, c'est vite arrivé. mais j'aime que tu parles de radicaux libres. Je ne savais pas que les radis pouvaient être co-libres. Oui. Cool. Oui, oui. Donc, croupier en 10 semaines. C'est le chevreuil qui m'a déconcentré. en fait, c'est parce qu'on a été sur la blague du chevreuil. Fait que, tu la referas la semaine prochaine. Je vais te donner l'occasion. Un jour de radis, c'est toujours bien pris. Ça vous intéresse-tu d'être croupier en 10 semaines? Eh bien, sérieusement, moi, j'ai déjà passé de devenir croupière. Ah, ouais. Moi, j'ai lorsque pensé... je vivais à Montréal, il y avait des emplois qui étaient disponibles au casino. Je te verrais là-dedans. Moi, je me verrais. Mais tu peux plus jouer au casino après ça, fait que c'est pour ça que j'ai pris. Ah t'as pas le droit de jouer dans aucun casino du Québec. Ah ben. Bref. Avouez que ça vous tente plus de devenir croupier. Attention, là. Je vais naviguer vite sur les trois, sur les deux autres. J'ai pas eu l'occasion de faire ma blague. Moi, je voulais être. C'est correct comme ça. Non, moi, j'ai dit que j'allais naviguer vite. Fait que sur deux autres que je voulais voir, les apatrides, connaissez-vous les apatrides? Les apatistes? Non, les apatrides. Les appendices? Non. Les apatrides, en fait, sont des gens qui n'ont pas de nationalité. Alors, c'est des enfants qui naissent sans nationalité. Comment c'est possible? Entre autres, avec le conflit syrien en ce moment. Lorsqu'une femme n'a plus de mari et doit accoucher, l'enfant hérite de la nationalité du père. Mais si le père est mort, si le père n'est plus là dans les parages, tout, l'enfant n'a plus de nationalité. Ce qui fait qu'il ne peut plus voyager, qu'il n'existe pas. Ça crée des milliers de problèmes un peu partout dans le monde. Wow. Donc, c'est juste pour vous conscientiser là-dessus. Allez lire l'article, c'était fort intéressant. Mais mettons, là, tu sais, comme dernièrement, il y a eu un article, il y a une madame qui a accouché dans les airs. Mais ils ont donné la nationalité de où qu'elle s'en allait. OK. Et non pas de où elle était rendue dans son périple. Ben, parce qu'elle était vraiment rendue, genre, désert entre deux. Ouais. Fait que tu savais pas mais si... Mais tu peux pas être entre deux, là? Ouais, mais dans je pense, il donne, dans certains cas, ben, c'est ça, c'est certains pays, certaines, des fois, c'est dans des pays plus religieux, ça va être selon la religion. Donc, comme ici, par exemple, si vos parents sont tous deux avec la nationalité québécoise, comme par exemple, mon père a la nationalité française aussi, donc j'ai aussi la nationalité française. Alors, j'ai la nationalité québécoise et française à cause de ça. Fait que... Tu dis que tu pourrais demander ton passeport français? Oui, ben en fait je l'ai. Mais c'est sûr que je peux te trouver comme à moitié fendant. Oui, j'ai toujours dit que mon côté snob venait de mon père. Ben c'est normal. Hey, moi aussi, mais il est pas français. Comme quoi? C'est juste un Baudin. C'est juste parce que c'est un Baudin. Salutations. Les emojis, connaissez-vous les emojis? Ben oui. Les emojis québécois, alors je trouvais ça drôle, alors je vais te laisser ouvrir le lien si ça te dérange pas, Tania. Oui, c'est les emojis québécois qui sont les plus populaires, alors les 10. Ah, il y a un emoji de Poutine! Il y a un emoji de Poutine! On en a même une emoji de Mont-Royal, ça m'impressionne plus. C'est vrai! Donc, je pense que c'est ceux les plus utilisés par les Québécois, mais ça a l'air très, en tout cas, sélectif. Canadien, sirop d'érable, pelle. Mais là, on les trouve ça, où? On les a pas sur nos iPhones. Ah, ouais, c'est les 10 emojis québécois qui devraient exister. Ah, qui devraient exister. L'article s'appelle comme ça. Une chance que t'es là. Ben oui. C'est par Virginie Landry, mais tu vois, c'est du divertissement, c'est clair. Ben oui, puis c'est du journal Le Métro. Hey, Ah, je suis déçu. Hein? Tu dis ça du zone campus dans notre dos, hein, je te gare? Non, mais là, t'as-tu déjà lu le journal Le Métro? Tu sais quoi? Ouais, c'est un journal qui te donne... Qui passe dans le métro. Bon, exactement. C'est fait pour être du surface, mettons. C'est ça. C'est pas le journal avec le plus de... Hein? Mm. Oh, Ryan Gosling, là tu viens de m'allumer. On change de sujet avant de se faire poursuivre par le Zone Campus, et le Journal de Montréal, et le Journal de Métro. 5 à 10. Connaissez-vous Ryan Gosling? Certainement. Ben, ouais. Gosling Photographie, c'est eux autres. Évidemment, comme j'ai fait tantôt, Mathieu, parle-moi de Ryan Gosling. C'est un acteur. Et voilà. Alors, qui est dans des films. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Excusez, j'étais en train de regarder les photos que j'avais. Ah, Tania. Et voilà, alors je vais vous dire, dans le fond, c'est sur le site Au Féminin. Oh, oh, oh. Alors, c'est les 10 gifs qui font le plus craquer les femmes avec Ryan Gosling. Et voilà, on a perdu Tania. Voilà. On le connaît pour plein de choses, là. Drive, Crazy Stupid Love, The Ides of March. Ben oui. Ryan Gosling qui veut pas manger des céréales. Ryan Gosling qui mange des céréales. Oui, oui, ça va jusque là. Ryan Gosling, enfin, qui joue. Vous comprenez pas, là. Je vais le partager sur Facebook pour toutes mes amies. Je vais te bloquer. Hein? Qui dit que je couvrais pas un large public? Hein? Ouais. Là, tu viens d'en allumer une coupe. Ouais, dans une chronique. Bon appétit. Hein? Cortana et Ryan Gosling, même combat. Ben oui. Justin Trudeau, Ryan Gosling viennent de la même place. Ah! Ben oui. Il est canadien, vous saviez? Ryan? Ben oui, je viens de t'apprendre de quoi? Bon. Non, ça, c'est du contenu. C'est une fierté canadienne, mes amis. Comme Justin Bieber. Même plus que Justin. Lithothérapie. Bon, c'est ça, vole ma chronique. Vas-y, fais-la tout seul d'abord. J'essaie d'enchaîner. La lithothérapie, connaissez-vous? Connaissez-vous? Non. Alors, c'est-tu la thérapie du lit? Ouais. C'est comme accroupi tantôt? En fait le mot est scindé en plusieurs. Alors, thérapie étant tout ce qui est relié à la thérapie, alors au psychologique, tout ça, et litho, tout ça, une fois assemblé, ça fait... c'est la psychologie avec des... Ben, en fait, c'est la guérison par les pierres. Ah! Ouais. Mais, ouais... Ben, tu sais, par exemple, ça va jusqu'à... Parce que je l'ai lu, j'ai fait comme « OK, j'avais déjà entendu ça », mais bref, on a mis un terme là-dessus parce qu'il y en a beaucoup qui pratiquent la lithothérapie, mais la pierre, par exemple, je pourrais te mettre la pierre sur le torse et ça te donnerait plus confiance en toi. Ah, wow. J'en ai besoin. Oui, oui, c'est ça, dans le fond. Là, ça, c'est les fameux massages avec les pierres. Exactement, on est là-dedans. Alors, j'ai fait des recherches pour voir s'il y avait des preuves, quelque chose, parce que quand même, je vais pas juger sur un coup de tête. Et effectivement, c'est considéré comme une pseudo-science. Okay. Donc, il n'y a rien qui prouve... Attention, je vais être très attention. Souligne tes mots, là. Il n'y a rien qui prouve que ça fonctionne, mais il n'y a rien qui prouve que ça ne fonctionne pas. Mm-hmm. Donc, on est là-dedans. On peut croire qu'on est un peu dans la zone du fantasme parce qu'on dit que certaines pierres contiennent une énergie. On est beaucoup là-dedans, dans cette énergie-là, que cette énergie-là, une fois libérée, aide pour différents problèmes, que ce soit des problèmes de cancer, à des problèmes de confiance, à des problèmes plus émotionnels, des problèmes plus familiales. Bref, voilà. Ça me fait penser aux pierres précieuses que ma grand-mère avait lorsque j'étais jeune. Oui, puis elle m'en donnait. De naissance. Ouais, un peu quasiment. Mais bref, si ça me donne de la confiance en moi, ça va vraiment comme prouver la phrase connue « Pierre qui mousse ramasse une rousse ». Oui. C'est ce que ça veut dire? On dit ça? Oui. Ouais, on dit ça? Oui. Ah ben. En tout cas, moi je dis ça. Je suis d'accord. T'as-tu le goût de te dépasser, Tania? Ben oui, certainement, tout le temps. Ben sur, dans le fond, le site de... Oh, on retourne dessus parce que je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas le lien. Ça va bien, tes affaires. Alors, non, c'est l'autre d'après. Le dépassement de soi pour les femmes. Oui, exactement. Alors, dans le fond, ça s'appelle une femme qui court. Alors, une fille qui court. Franchement. C'est parce que j'ai marqué. Mais il n'y a pas... il y a Carina Tardif, une des anciennes animatrices qui fait ça. Dans Les Demoiselles. Les Demoiselles. En fait, c'est ça, c'est à la fête des mères. Alors, c'est vraiment pour... c'est réservé aux femmes, aux filles qui veulent... C'est dans Trois-Rivières. Alors, connaissez-vous un peu la cause de ça? Parce que pour vrai, j'ai fait un peu de recherche puis j'avais de la misère. C'est vraiment juste pour comme valoriser, dans le fond... La femme. La femme dans le sport ou la femme... c'est ça. Une course pour le plaisir et leur slogan, donc j'imagine que c'est pour le fun. Ouais. Ben c'est ça, j'avais cru comprendre que c'est ça. Bref, c'est dimanche 8 mai 2016. Oui, si vous voulez aller courir, c'est je vous ai mis le lien. Au parc. Il y a pas vraiment, il y a pas l'onglet histoire. Non, c'est ça. Ben j'imagine qu'il y en a pas. C'est juste entre femmes pour s'entrefamer. Hein? Ouais. Je vous ai mis un lien aussi vers un autre blog qui sort des belles photos de Noël. Ah. Bah merci. Ben oui, c'est juste parce qu'on approche Noël, puis moi j'aime vraiment ça. À partir du 1er décembre, moi je vais fou, puis je vois Noël partout, j'écoute des films de Noël à partir de 2h du matin. Mais tu sais qu'un mois c'est long. À partir de 2h du matin, oui. Pas jusqu'à. Parce que les films de 2h du matin qui passent à la télé sont toujours des prodiges. J'ai vu le meilleur Monsieur Grinch. Grinch, ça. Pendant la nuit, genre. C'était lequel? Je sais pas comment ça s'appelle, parce qu'aucun acteur connu n'était là-dedans, mais c'était des bons acteurs. C'est quoi vos films de Noël, là? Tu sais, comme, dang, vous devez d'écouter ça à chaque année. Ben, moi, ça devrait être... Astérix, ah ouais? Moi, les Astérix qui passent, puis un peu les Harry Potter, mais moins. Moi, c'est vraiment Astérix. OK. Astérix, le domaine des dieux. Toi, t'écoutes pas de films de Noël? J'écoute pas de films, vraiment, en général, non? Je m'excuse, je suis plate de même. En fait, j'ai dit le domaine des dieux, puis c'est faux. C'est pas lui qui passe, c'est les 12 travaux d'Astérix ou quelque chose genre. Fait que, il passe à chaque année, puis il y a une blague qui me fait mourir de rire à chaque fois. Pourtant, c'est une blague qui est tout le temps la même. C'est le même film. Ben, c'est ça. Je trouve ça drôle. Mais à chaque année, tu sais, c'est un classique. Là. T'écoutes ça depuis que t'es tout petit, faut que tu le réécoutes. savais-tu, Mathieu, toi qui es fan de Apple? Ouais. Je savais ça. Tu peux faire tourner Windows 10 sur un iPad. Ben là, sur iPad, attends un peu. Sur iPad? Oui, c'est... Même pas de genre de... par à distance ou rien? Non. Hein? Non. Alors, c'est un petit disque dur, dans le fond, qu'on branche sur le iPad et qui part Windows 10. C'est tout ce que c'est j'avais à dire. OK. Ouais. Bon. Mais pourquoi est-ce que tu voudrais Windows 10 quand tu peux avoir à la iOS? Place d'avoir... Ouais, c'est ça? Je sais pas. Pour ça Cortana... Pour avoir une joke de Cortana. tu plugues toutes tes affaires, je veux juste la joke de Cortana. Ok, bon, ça y est, c'est fait. T'en pour une sur joke iPad. De Cortana, je ferai n'importe quoi. Mais mettre Windows sur un disque dur, moi, avez-vous le temps de cuisiner dans la vie? Non. Ça dépend quand. Ben, moi, j'engage mon épicerie du coin pour me faire des plats puis je les achète. Pour vrai? Ouais. Ça se fait, ça, le fameux service de traiteur. Non, moi, je fais juste les acheter, de toute façon. Ok. Mais à Montréal, ça se voit, hein? Ça se voit beaucoup même. Traiteur en épicerie. Ils viennent te livrer chez toi. Ah. Et t'as des petits plats pour la semaine au grand complet. Ouais, c'est quand même le fun. Ça doit être assez dispendieux. Ouais. 3-4 fois le prix d'un repas. C'est genre, je pense que si je me souviens bien, c'est près du plateau Mont-Royal. La gauche caviar. Ouais, c'est ça. Il y a rien, dans le fond. Tout vient avec un tartare au lieu d'une salade. Tout vient avec ça. Si on pouvait manger du tartare à tous les jours. Là. C'est ça que j'avais à dire un matin. Oui, j'ai une personne qui m'a déjà dit qu'il avait essayé de faire du tartare avec de la viande hachée. Faites pas ça. Non. C'est pas une bonne idée. Non, ça prend une viande vraiment fraîche, là. Oui. Ou de la mayonnaise et de la relish. Ah, de la mayonnaise. Aussi. Ouais. Sauce tartare. Mais d'aller au boucher, là, puis de prendre une bonne pièce de viande là, fraîche. Là, vous me donnez le goût de manger du tartare, puis t'aller à l'autre. Mais bref, pourquoi on parle de ça? C'est parce que je vous ai mis un lien pour faire 60 recettes en 10 minutes. Alors, c'est 60 recettes en 10 minutes, les 60? Non, pas les 60, mais 60 recettes. Oh. Ouais, non, c'est vrai que ça aurait été épique. je me mets là-dessus, je te cherche ça. 60 recettes qui se font en 10 minutes au total. Ce serait un bon magazine aussi. À base de 5 ingrédients en 10 minutes, ce serait 60 recettes, 10 minutes. 10 minutes, 60 recettes de fête. bon, OK. Tu sais, quand je vous disais au début de la chronique que, on pouvait pas dire que c'était pertinent. Là. Mettons. Bon, je vous ai mis les 10 raisons pour adopter un mini-âne. Un âne miniature. Oh, hey, on peut nous faire ça ici au Québec? Mais je tiens à dire que je veux juste... Oui, on... Je pense que Tania, après avoir mis le lien de Ryan Gosling sur Facebook, elle va aussi mettre l'âne miniature sur Facebook. La réaction de Tania justifie un des points qui est « Ils sont trop mignons, ils sautillent. » As-tu vu le gif animé quand Kiko? Ah non, attends, faut que j'aille le voir. Bon, mais ils sont vraiment cute. On est à la radio tout le monde. Mais oui. Hey, fudge les chiens, après ça, moi, je veux un an de miniature pour Noël. Mais remonte un peu, parce que je veux juste pas... Il tourne en complètement haut. Oui. Parce que on souligne tout le temps ici les erreurs qui sont faites, et j'ai vu une phrase qui était bizarre. Vous risquez d'en vouloir le même avoir vu ça. D'en vouloir le même avoir vu ça. Je pense qu'il y a eu quelques problèmes de oui, d'écriture. Puis ça a toujours été difficile d'adopter un animal. Ça a toujours ouais, été ouais. difficile. Ah boy. Ça, on voit que c'est un blog très professionnel. C'est sur Maracubuzz. Mais ça, c'est même pas un blog. C'est vraiment un site qui est sérieux, ça, Macrobase. Ouais, c'est un site sérieux. Mais c'est pas macro, c'est Maroc. Ah, c'est Maroc. Ah, j'ai compris. Moi, pour vrai, j'ai dit macro. Hey, j'ai de la misère, là. C'est-tu un peu analphabète du daltonisme Moi, j'invente des trucs. Faut que ça concorde avec ce que je dis, faut que j'invente, puis je me dis que ça va passer tout c'est droit. Quel monde s'en rendra pas compte. On fait ça des fois, nous autres aussi. Fait que, hey, parle pour toi. Les mini-zones, alors, c'est ça. Alors, bref, ils sont miniatures, ils s'accordent bien avec des chiens, puis c'est vrai que c'est cute, un mini-zone. C'est vraiment cute. C'est vraiment beau. Hey, j'en veux un pour Noël. Oui. Le problème, on c'est peut que demander à Samuel Plante, qui est passé faire l'Orignal tantôt, le chevreuil, de jouer le mini-zone. Un mini-zone. Qui viennent gambader autour de nous. Donc, oui, donc c'était le mignon. Moi, je serais prêt à en adopter un. Mm. Ben oui. Mais il faudrait savoir si... oui. Ouais. Autre chose que j'ai vu que je serais prêt à adopter, c'est un mini-porc, un mini-cochon. Un mini-porc. Un mini-porc. Tu parles de cochon d'Inde, là? Non, vraiment, non, c'est un petit cochon. Mini-porc. C'est un petit cochon. Mini-porc. Mini-porc! Je suis sûr que les scientifiques font ça. Je suis persuadé. Hey, d'après moi, il y avait ça. De quoi dans les pastilles? Je sais pas pourquoi on chante comme ça, mais j'ai tout noté puis on va tout repasser ça. Moi, je suis persuadé. Hey, on s'excuse. Vrai, je fais des recherches. Mais non, d'après moi, sérieusement, je pense que je vais regarder les médicaments qu'il y a là-dedans. Oui, donc voilà. Le dernier, c'est. Le dernier, alors le dernier 20 à 30. Alors oui, c'est le dernier, ça finissait à 36 les pages. Donc j'ai été un petit peu plus loin. Là, 20 à 30, ça considère 36. Des phénomènes scientifiques qui ne sont pas encore expliqués. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore expliquées, puis il y a des trucs weird là-dedans. Des pierres dans un désert qui bougent tout seul. Ben oui. Oui. En fait, c'est que les pierres sont présentes une journée et on voit des sillons qui sont creusés comme si la pierre avait bougé. Alors, mais les scientifiques sont pas capables d'expliquer pourquoi. Ils ont regardé une pierre, ils ont vraiment calculé, bon, ben la pierre est à tel endroit. Ils sont revenus le lendemain, il y avait un sillon. Peut-être des vibrations terrestres de quelque chose. De... Quelque chose genre, ouais. Des mouvements dans le sol qui fait que les pierres se mouvent. Se move! Se move! I like to move it, move it! I like to move it, move it! Ensuite, on parle autre chose qui m'avait étonné, les éclairs. Il y a certains phénomènes. Au chocolat! Oui! Inexplicable! Inexplicable! Hein? Les éclairs font une espèce de sphère parfois dans le ciel, une sphère d'éclairs, et les scientifiques ne sont pas capables d'expliquer pourquoi cette sphère-là se fait. On a le « à basse fréquence. Le « mba ». Le « mba ». Oui, c'est ça, le « mba ». Si tu passes sur une route, je te coupe pas parce que c'est pas intéressant, OK? Non, on manque clairement de temps, ouais. Mais donc, c'est un « alors que si vous passez sur une certaine route, je sais pas, Tania, si t'es capable de me dire la route exactement. Ouais, c'est fatigant, attends, ça, ouais, ça arrête pas de popper, là. C'est le dernier, dans le fond. Le dernier, alors, oui. C'est le 10, alors le « ouais, c'est bizarre, hein, ça. À Bristol, à Taos. En passant par Wellington. C'est ça. C'est comme le bœuf. Oui. Ben, dans le fond, on entend certaines personnes entendent un « à basse fréquence. Mais c'est prouvé que certaines personnes peuvent l'entendre, certaines personnes ne peuvent pas l'entendre, et il est présent, mais on ne sait pas ça vient d'où. Ouais, wow. Puis ça dit que c'est moins d'une personne sur 20 qui est sensible à l'entendre. Ah, yeah, c'est détestable, ça. C'est bizarre, hein? Voilà. Puis en Irlande, en 2012, saviez-vous? En Irlande, en 2012, il y a des habitants qui ont demandé au conseil municipal de régler le problème de bourdonnement persistant. Mais le conseil a temporairement éteint les pompes à eau que les résidents remettaient en cause, mais ça n'a rien changé. Pour moi, c'est fun d'essayer des affaires. Ouais. Comme quand t'as un bruit dans la maison aussi, il faut que t'enquêtes un petit peu pour savoir de où il vient. Ah, il y en a qui disent que c'est les dunes de sable qui fait ce bruit-là. Ils ont pas essayé d'éteindre les dunes de sable. C'est ça. Non, mais le mouvement, les peut-être. Les dunes de sable. C'est ça, franchement. Déménagez-les. Déplacez-les. Oui. Donc, voilà, c'était... on rappelle la question qu'on a jamais rappelée à date. Ah, c'est vrai, je m'excuse. C'était ma job, ça. Qu'est-ce qu'il y a 10? Et qu'est-ce voilà, qu'il y a 10? J'espère que ça a répondu à la question. Merci de l'avoir rappelé. Ça fait juste 39 minutes qu'on a dit la question au départ. Hey, hein, la radio, on dirait que je viens de commencer. Ça fait juste 900 émissions qu'on fait. Oui. En fait, je sais que ça va faire 900 émissions demain, Tania. Oh. Oui, oh. Là, je veux que je fasse une chronique, qu'est-ce qu'il y a 900? Mais on s'en sac. Les épisodes d'assemblage avec qui? Le top 900, partie 1 de 42. Merci Frédéric Bernard. Un plaisir. On te retrouve la semaine prochaine et mercredi à 8h30 genre. 30 genre? 8h30 genre. Oui, voilà. J'accepte la première partie. Et on t'écoute aussi à la Luître. Tous les lundis soirs à 8h. Oui, lundi prochain étant les bleus contre les verts. Alors, mais on s'en sait. Mais non, mais non. Non? Mais non, non. Est-ce que t'en fais partie, tu ne peux plus t'en c'est sacrer. Je fais partie de chaque équipe, dans le fond. Oui, mais oui. Ils ont un cadre de moi dans leur maison, un père comme la reine. Oui. Venez encourager la lutte, c'est toujours très apprécié par les joueurs de vous voir, puis surtout qu'on va vous voir ensuite. Si vous avez des commentaires, soyez vraiment pas gênés de venir nous le dire pour améliorer le spectacle. C'est toujours le fun parce que là, on attire beaucoup de gens cette année. Continuez, c'est ça qui fait que le show est bon aussi, étonnamment. Bien dit. Hey, j'ai quelque chose pour vous. Rapide. Qu'est-ce que ça dit un DJ en entrant dans une fromagerie? C'est notre ami la DJ de la Luître, la DJette, DJ Transcendance, qui l'a posté sur Marache. Qu'est-ce que ça dit, un DJ qui entre dans une pièce? Faites du bruit! Ouais, c'est-tu signé Cortana? Référence à il y a 25 minutes. Oui, c'est ça. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Top 10 des maisons closes les plus célèbres de Paris. Eh bien, première maison close, avant qu'elle soit interdite en 1946 et que les prostituées se retrouvent à la rue, eh bien, les maisons closes fleurissaient dans tout Paris. Hein, c'était un peu l'identité de Paris, hein, offrant tout type de standing et de prestations. Il existait même un guide du genre TripAdvisor de l'époque qui cotait les meilleures maisons closes. Certaines restent encore hyper célèbres, notamment parce qu'un tas de personnalités aimaient y passer du bon temps entre amis. Les voici, les voilà. Et merci au gentil lecteur qui nous a suggéré ce top. Ben oui, on le remercie encore. Vraiment, l'illustration est extraordinaire. Donc, top 10 des maisons closes, finalement, avant 1946. Le Chabanais. Eh bien, c'est Mme Kelly qui a investi tout son argent pour faire de cet immeuble un des spots les plus luxueux de Paris en termes de nids d'amour tarifés. Une flopée de rois y avait leur habitude, notamment Édouard VII d'Angleterre, qui a même fait installer une chaise de volupté avec coussin et étrier. Imaginez une chaise de volupté qu'on appelle avec coussin et étrier, ainsi qu'une baignoire à champagne. Rien de moins au Chabanais. Donc, c'était le top du chic, on peut dire. Il y avait le 1-2-2. Quelques rois, mais surtout beaucoup de comédiens, à venir se détendre au 122 rue de Provence. On n'y venait pas uniquement pour faire tac-tac, parfois juste pour inviter sa petite femme à dîner. En revanche, il s'agissait bien, bel et bien, d'aller faire des petites cochoncetés par là-bas. On vous sortait le grand jeu avec la chambre corsaire, par exemple, où le lit tanguait et des assistantes vous balançaient de l'eau pour faire plus vrai. Hey, c'était vraiment de l'immersion totale déjà à cette époque. Il y avait la maison close aux Belles Poules, une autre maison close de luxe où, selon les sources d'Internet, un médecin venait deux fois par semaine s'assurer de la santé et de la qualité des jeunes filles de cette institution et où il paraît même que le niveau d'organisation et d'administration allait vraiment bien. Tout carburait, tout était clean et que les plus âgés montaient en grade quand il n'était plus temps pour elles de faire des galipettes. Donc, elles devenaient plutôt gérantes de la place. Hein? Intéressant, c'était aux Belles Poules. Je pense que ça, le titre, en tout cas, il indiquait ce que c'est. Là. Le 1-2-2, tu sais pas trop quoi, mais quand tu vas aux Belles Poules, je pense que tu sais où tu t'en vas. Il y avait la maison close, le Sphinx. Ici, vous vous en douterez, la déco était très égyptienne. C'était la mode en termes de fantasmes et de mise en scène émoustillante à cette époque et à ce qu'il paraît, mais même encore aujourd'hui, hein, les chambres thématiques et le sexe et l'amour, ça fonctionne toujours. Donc, cette petite maison close était tout particulièrement protégée car tendrement affectionnée par Albert Sarraut, ministre et un bon autre paquet de politiciens. Donc, c'était le spot des politiciens. On aurait retrouvé la gang qui se tape dans les mains après la commission Charbonneau. Il aurait été tout fêté au Sphinx. Sinon, autre maison close, la Fleur Blanche. Celle-ci, connue parce qu'on raconte que Toulouse-Lautrec y avait même une chambre. Cette anecdote est peut-être fausse, mais toujours est-il qu'il y passait tellement de temps qu'il s'en est inspiré pour une quarantaine de ses œuvres, qu'il a même peint en direct sur les murs de la maison de passe. Donc, il y a même des œuvres à même les murs. C'était la maison de place, la Fleur Blanche. Sinon, l'étoile de Kléber. Édith Piaf y a vécu au troisième étage avec sa super copine Simone, dite Momone, et c'était, selon ses mots, un véritable petit havre de paix qui lui permettait d'inviter qui elle voulait, quand elle voulait. La maison de passe a aussi été très appréciée de l'auteur des Magrets, de Georges Siménon et d'un bon paquet de soldats allemands en quête de kékettes pendant l'occupation. Je pense que les soldats allemands, pour nous, les Québécois, kékettes, c'est pas le même terme là, qu'on dirait, mais en tout cas, c'était un spot pour les soldats allemands en manque d'amour. Hein, on va parler plus sobrement. Sinon, l'abbaye. Imaginez, la maison close s'appelait l'abbaye. C'était sur la rue Saint-Sulpice, oui. Donc, l'abbaye qui porte très bien son nom, vu qu'elle était destinée principalement aux clients ecclésiastiques. Vous avez bien compris, des moines, un poil sacrilège donc, qui fricotaient à qui mieux avec les diablesses. Des diablesses, forcément, c'est sûr, c'était le mal. Mais les clercs y allaient quand même. Dans des chambres surnommées confessionnales ou la sacristie, où leur était proposé un tas d'activités ludiques à base de tenailles, de chaînes ou de crochets. Hein? Que de l'amusement bien soft pour les ecclésiastiques. Huitième maison close célèbre de Paris, c'était le 2 rue de Londres. C'est là-bas que travaillait Amélie Ely, aussi appelée Casque d'or, hein, sa claque, une jeune fille de joie de la belle époque, très fière de son métier, qui batifolait librement avec filles et garçons. Elle devient une légende quand deux chefs de bande, Leka et Manda, s'extirpent en son nom avec leur gang derrière pour finir au bagne, donc pour finir en prison. Assez particulier tout ça, mais c'est une vedette de l'époque, Casque d'or. Le Temple de l'Impudeur, rue des Arcades, en 9e position des maisons closes de Paris, le Temple de l'Impudeur. Alors, autant quand il s'agissait de séances de zing-zing tarifiées hétérosexuelles, personne ne disait rien. Mais s'il advenait qu'une fille n'était pas de la partie, le scandale était tout autre. Notre très célèbre Marcel Proux a été fiché par la police après avoir été vu buvant du champagne pépère avec un jeune homme de 20 ans dans cet hôtel dont il était un des mécènes. On en apprend tous les jours. Marcel Proust aimait bien la chair fraîche de jeune homme, comme on apprend. La dernière maison close, c'était rue Racine à Paris. La maison close s'appelle La Cigarette. Dans cette brasserie pour femmes, comme on l'appelait, le client commandait une pinte et se voyait offrir les services de la serveuse, qui le chafouinait à qui mieux, afin que monsieur apprécie comme il se doit son pot entre collègues, avant de passer éventuellement à l'étage supérieur, si l'envie et l'argent y étaient. C'était le top 10 des maisons closes de Paris. Bien intéressant, ce petit top. Et puis, tiens, tant qu'à être dans les top 10, on va les faire. C'était des trucs qu'on était supposé de faire hier. Alors, on se fait maintenant ici le top 10 des trucs inventés par des Belges. Chapeau, les Belges. Chapeau, mes amis. On a l'Atlas qui a été créé par Gérard Mercator en 1570 de Gérard de Crémer, alias Gérard Mercator, qui est né à Rupelmonde. Eh bien, pour un type qui a vu le jour dans un lieu aussi étrange que les Pays-Bas espagnols, on peut dire qu'il a eu du mérite de mettre au point le système de projection qui nous permet aujourd'hui de voir des maps mondes. Les Belges peuvent être fiers d'avoir été les premiers à piger comment se représenter la surface d'une boule dans un rectangle. Effectivement, on déplie la Terre pour nous l'afficher sur une surface en deux dimensions. Le générateur électrique par Zenobe Graham en 1867. Pour produire du courant alternatif, il y avait du monde au 19e siècle. Mais Zenobe est arrivé pour mettre de l'ordre dans tout ça et a offert à l'humanité la première dynamo à courant continu. Un stator, un rotor et la magie opère. Bravo Zenobe! En plus, tu as donné ton nom à un célèbre bar de notre coin ici. Vraiment, donc Zenobe Graham en 1867 a inventé le générateur électrique. Adolphe Sax en 1846, on le sait, hein? Ben oui, inventé le saxophone. On pourrait croire que les Belges aiment le bon rock et la musique de qualité. Eh bien, pas du tout. Ils ont d'ailleurs inventé le meilleur moyen de scraper un bon morceau avec un solo de saxophone. Ça, c'est ce qu'on nous dit dans l'article parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas le saxophone. Moi, j'adore le saxophone. Il faut juste qu'il y ait un bon saxophoniste derrière. C'est juste là le problème. L'inventeur assume complètement sa création puisqu'il a même donné son nom. Mais on n'oublie pas qu'il s'appelait Adolphe, hein, comme ça, par hasard. Adolphe Sax. Sinon, le patin à roulettes a été inventé par un Belge, un autre, Jean-Joseph Merlin, en 1800. C'est quand même assez fou qu'on ait dû attendre presque 4000 ans entre l'invention de la roue et le moment où un type, M. Merlin, natif de Huy, pense à les mettre ses roues sous ses pieds. Le 19e siècle n'a pas commencé... Attends un peu. Le 19e siècle n'a pas commencé et les hate-tees sont déjà sur de bons rails. OK, donc c'est ça. On pensait déjà aux années 80. On était correct avec nos patins roulettes. Sinon, le moteur à combustion interne, en cinquième position, une invention par Étienne Lenoir en 1860. Eh bien oui, dans la grande... Et pas si passionnante que ça, là. Histoire du moteur à combustion, on note la présence d'un Belge, Étienne Lenoir, qui a mis au point le premier moteur à allumage commandé opérationnel. Et de quoi avait-il besoin pour provoquer la combustion du mélange? Eh bien, d'une bougie d'allumage. Du coup, Étienne invente aussi la fameuse spark plug, la bougie d'allumage, mais aussi la signalisation pour les voies ferrées. Quelqu'un qui aimait occuper ses week-ends, ce Étienne Lenoir. Donc, inventer la bougie d'allumage, le moteur à combustion interne et même la signalisation des voies ferrées. Ben, on le félicite, M. Lenoir. Sinon, le char à voile par Simon Steven en 1600. Eh bien oui, un pays plat, des plages où on ne se baigne pas, tout était réuni pour qu'on invente le char à voile. Cette planche à voile qu'on pratique en kiwi, hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis ça en kiwi, en Belgique. C'est pourtant en Hollande que l'ingénieur Simon Steven a mis au point cette petite chariote à voile qui pouvait transporter une trentaine de personnes. Les Chinois vous diront qu'ils avaient déjà ça depuis le 9e siècle. Mais si on écoute... le 6e siècle. Mais si on écoute les Chinois, eh bien, ils ont même inventé la pizza et le football. Sinon, la théorie du Big Bang. Eh bien, mais c'est vrai que les Chinois ont inventé ça depuis le 6e siècle. Et dans le fond, là, le char à voile, si je veux vous expliquer rapidement, c'est un genre de petit bateau à voile, mais avec des roues en dessous, tout simplement. La théorie du Big Bang, c'est Georges Lemaître en 1930 qui nous a envoyé ça. En plus d'être un chanoine catholique belge, Georges n'est pas la moitié d'un con. Il participe activement au bouillonnement autour de la théorie de l'univers en expansion dans les années 1920. Et au début des années 30, il trouve la théorie de l'atome primitif. La classe, un petit malin dans une émission de radio de 1949, il y a quelqu'un, parce que lui, il ne l'avait pas nécessairement appelé comme ça, en 1930, eh bien, il aura l'idée d'appeler cette théorie la théorie du Big Bang pour déconner, mais c'est le nom qui restera. Ben, c'est bien. Et c'est un bon nom, hein, je trouve. C'est le nom de cette théorie. En 1907, eh bien, Leo Backeland, eh bien, invente le bakélite, ou si vous aimez mieux, le plastique, le premier plastique fait de polymères synthétiques. Léo a obtenu nationalité américaine après avoir exporté son savoir, mais c'est quand même à Gand qu'il a vu le jour et qu'il a été diplômé. Il s'est d'abord concentré sur la recherche du meilleur papier photographique possible, sans savoir que ses recherches allaient déboucher sur une innovation majeure au sens économique du terme. Bienvenue dans l'ère du plastique qui façonnera le 20e siècle. Eh bien oui, le bakélite. Si vous trouvez des radios, des vieilles radios des années 1920, là, autour de ce coin-là, vous allez souvent les trouver en bakélite. Eh bien, sachez que ça vaut de l'argent. C'est des radios qui sont recherchées chez les collectionneurs. En 9e position des inventions belges, eh bien, l'euro, tout simplement, par Germain Pirlotte ou Pirlot en 1995. Pas le concept de monnaie européenne ou politique monétaire commune. Non, juste le nom « euro ». Eh bien oui, qui nous a sauvés du terme écu ou de toute autre connerie qui aurait pu être utilisée. L'Ostendais, Germain Pirlot, est féru d'espéranto et a écrit au président de la Commission européenne pour lui faire part de sa bonne idée. Jacques Santerre lui répond « Bravo champion, excellente idée, on valide ça avec les autres de l'Union européenne. » Par contre, sa suggestion de désigner les cents par le terme « ropa » n'a pas été retenue. Ben, c'est pas grave, c'est des cents, c'est correct. Sinon, le goudron des routes, en 1870, par Édouard de Smed, eh bien oui, l'asphalte a progressé au gré des innovations et des expérimentations, mais on ne doit pas oublier l'ami Édouard, dont le brevet a bien fait avancer les choses et à qui on doit le revêtement bien dense qui accompagnera la révolution industrielle. Et puis, tiens donc, en 11e position, c'est un bonus parce que c'est un top 10, eh bien, on nous dit le jazz manouche. Django Reinhardt voulait juste inventer la technique de guitare à deux doigts. Il en profitera pour inventer un style à part entière, le jazz manouche. Et Django, il est né où? Oui, dans une roulotte, mais stationné où? Eh bien, à Liberchy, en Belgique. Ben oui! C'était justement un manouche, mais il habitait quand même en Belgique. Alors, c'était le top 10 des inventions faites par nos cousins belges. Maintenant ici, très rapidement, on va aller faire cette petite nouvelle avant d'aller en pause publicitaire. Eh bien, aux États-Unis, une baleine coincée dans la vase, ben pris là, c'est au large du Massachusetts. Donc, dans le coin de Boston, un petit rorqual s'est retrouvé piégé pendant plus de deux heures dans une vasière au large de Kingston, dans le Massachusetts, lundi le 23 novembre dernier. Donc, lundi dernier, les secours qui ont découvert l'animal en milieu d'après-midi ont tenté de lui venir en aide avant le coucher de soleil, en vain. C'est ce qu'a rapporté le Boston Globe. L'animal était dans une zone inaccessible et le jour allait tomber et la marée haute était sur le point d'arriver. Nous ne voulions mettre personne en danger, a rapporté le porte-parole de l'Aquarium de la Nouvelle-Angleterre. Mais l'échec de cette mission de sauvetage n'a pas eu de conséquences dramatiques car avec l'arrivée de la marée haute, la baleine a tout de même réussi à s'extraire de son piège. Moi, c'est ce que je me disais. Laissez un peu aller les flots, hein? Je lui ai dit, laissez aller les flots. Et là, les enfants se sont tous mis garrochés dans... En tout cas, hein, on a eu des problèmes. Les secouristes estiment qu'au vu de la petite taille de ce rorqual, eh bien, il pourrait s'agir d'un jeune animal inexpérimenté ou d'un cétacé qui avait eu un problème de santé, ce qui expliquerait pourquoi il s'était ainsi retrouvé dans cette vasière. Hein? Et puis, ouais, tiens, on va la faire, on est rendu là. C'est « Fuck that bitch ». Qui a gagné la reconnaissance de Facebook. Eh bien oui, fuck that bitch, là, pis c'est pas une joke. Eh bien, c'est un Australien d'origine vietnamienne qui avait été exclu plusieurs fois du réseau social, qui croyait que c'était un canular. Son nom, c'était pas un vrai nom. Alors, fuck that bitch a gagné la reconnaissance de Facebook. Donc, fuck that bitch a finalement obtenu gain de cause auprès de Facebook qui lui reprochait son nom. En effet, à la lecture de son patronyme, se rapproche dramatiquement avec fuck that bitch. Une insulte bien connue des anglo-saxons et des autres d'ailleurs. Facebook étant intraitable en la matière, le réseau social avait purement et simplement supprimé son profil, prétextant qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. On m'a accusé d'utiliser une identité fausse et mensongère, ce qui est assez blessant, et ce parce que je suis asiatique et que l'on me ferme plusieurs fois mon compte sur Facebook. Il s'était alors demandé, le pauvre fuck that bitch, pourquoi? D'autant plus que son nom se prononce Fou Dabi. Ah, mais pas comment c'est écrit, hein? En croire France Info, peu au fait des subtilités avec la langue vietnamienne. Facebook n'a rien voulu entendre jusqu'à ce que l'appel au secours de l'intéressé ne soit relayé par quelques personnes émues et beaucoup d'autres plutôt hilares et bien, bien crampés de rire. Finalement, son bras de fer a été remporté grâce à une photo de son passeport et il peut désormais afficher au monde entier son nom à la saveur si particulière. Nous vivons dans une société plurielle et multiculturelle et le fait qu'il y ait des gens qui témoignent de leur soutien me rend vraiment heureux, a-t-il écrit sur son compte Facebook. Je suis heureux et honoré d'être en mesure de rendre les gens heureux simplement en les faisant rire au sujet de quelque chose qui apparaît scandaleux et ridicule pour eux. Eh ben oui, je vous remercie sincèrement, signé Fuck That Bitch. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Le facteur, des fois, peut livrer circulaire, dépliant et journal. Oh. Et provenant tout droit du journal Zone le Campus, qui n'est pas livré à domicile. Voici Sébastien Viertin et son bulletin Viertin. Sébastien Viertin, bonjour à toi. Bonjour. Ça va bien ce matin? Ben oui, vous autres. Absolument. Oui. Absolument. Malgré les pastilles. Ouais, malgré les pastilles. je suis sûr que le monde rentre dans le studio et ça sent les pastilles. Ben, c'est une bonne odeur quand même, miel et citron, oui. Je trouve. Miel et citron, ça se prend bien. C'est winner pas mal. Personnellement, je ne l'ai pas remarqué parce que. Arrivant de... Non, merci, c'est correct. Ouais, il y a quelque chose de gros sac. Non, ben, arrivant dehors et dehors, ayant décidé qu'il faisait fret, ouais, hein? J'avais un petit peu la goutte au nez en rentrant. Ouais. Que je ne l'ai pas senti partout. On comprend ça, je pense que tout le monde comprend. Ouais. Ouais. Ouais, c'est des choses qui arrivent. C'est la vie. Surtout quand tu arrives du désert pour arriver dans le froid canadien. Est-ce que ouais, c'est ça, toi, tu parles de Las Vegas. Oui. Ouais, non, je vous l'accorde, là, c'était frisqué. C'était pas chaud pour les garlots. Hier, Tania parlait de bikini, je sais pas trop quoi, sur Internet, où je me rappelle pas trop. Fait que je dis, ah, puis y avait-tu des plages? Là, j'étais comme, attends un peu, y a pas de plage à Las Vegas, c'est dans le milieu du désert. Ouais, c'est ça. D'après moi, y en a pas. Y a des oasis. C'est ça. Puis des dromadaires. Voilà. Il n'y a pas de dromadaire aux États-Unis. Non. C'est pas grave, on va y en imaginer. Je suis désolée. On mélange des choses. Je sais pas si t'es encore en train de bifurquer vers la Syrie aujourd'hui. De quoi est-ce qu'on parle, Sébastien Viertin? On parle de syndicats. Ah bon, gars, peux-tu mettre... Ben oui, t'es prêt là, là? T'as un peu, là. On fait des manipulations. OK, ben regarde, on va laisser... Attends un peu. Non, regarde, écoute ça. Il y a rien qui va se faire ici sans syndicat, OK? Ça va commencer avec le syndicat, puis ça va finir avec le syndicat. Bon, ça va finir avec le syndicat. Ça va finir avec le syndicat. Une magnifique scène particulièrement absurde du film Les Invasions barbares. Ah oui. Pour ceux qui s'en rappellent, ça se passe dans le fond. C'est. Là, je me rappelle plus des noms des personnages parce que ça fait quand même un bout. Je l'ai vu. Il y a Jean-Marc Parent et Stéphane Rousseau. C'est ça. Il y a Stéphane, c'est ça. C'est Jean-Marc Parent qui parle. Je me suis demandé d'ailleurs, je me suis creusé le nom pour trouver son prénom toute la matinée. Oui. Hein. D'ailleurs, je me rappelle plus pas en tout. Jean-Marc Parent. C'est ça. Dans le fond, Stéphane Rousseau joue le fils de Rémi Girard qui est en train de se mourir du cancer et Stéphane Rousseau trouve que les... Puis c'est pas son nom dans le film d'ailleurs, hein, mais trouve que son père est pas tellement confortable pour finir sa vie dans une chambre d'hôpital à quatre. Ouais. Fait que là, il veut le déménager dans un étage de l'hôpital qui est étonnamment inoccupé. Puis là, il veut faire des travaux puis tout le kit. Il a le cash pour le baquer, mais ça va commencer avec le syndicat puis ça va finir avec le syndicat. Ouais. Donc, c'est ça. On va parler des syndicats aujourd'hui. Mais boy. On avait promis. Un cas encore lourd, mais moins peut-être moins déprimant que la série, j'espère. Peut-être. Quand même. Ben là, c'est qu'on sait qu'il y a des grèves, ce qu'on appelle le Front commun, dans le fond, les gens qui sont comme dans le système public et parapublic, là, ouais. surtout dans ce qui est l'éducation puis la santé. Donc, dans le fond, ça fait référence à mon éditorial dans le journal de Vla, qui ça fait déjà plus qu'une semaine qu'il est publié. On les suit plus nécessairement dans l'ordre temporel des choses. C'est ça. Logiquement, j'en aurais parlé la semaine dernière, mais là, la semaine dernière, mettons que c'était plus... On parlait de la Syrie à la place, ce qui s'était passé puis tout. Donc, c'est ça, je vais revenir un peu là-dessus aujourd'hui. Fait que, pourquoi des syndicats? Pourquoi est-ce que ça existe, c'est ça? Pourquoi est-ce que ça existe? Ouais. À base, ce à quoi ça sert des syndicats? C'est, dans le fond, donner une espèce de rapport à peu près d'égalité entre le boss puis les employés pour que ça puisse négocier comme du monde pour faire pour permettre une négociation mettons, ouverte et efficace. Oui. On va dire ça de même. Bon, pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est ça que ça fait? Parce que là, présentement, on s'entend, ça critique les syndicats à tour de bras un peu partout. Donc, est-ce qu'il y a un problème avec le syndicalisme au Québec? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais tu y répondras pas dans ta chronique. Ouais, non, c'est ça. Hein, ben, moi, j'aime pas ça donner des réponses trop faciles. Ce que je veux dire, c'est que... Ouais. Le contexte. C'est ça. C'est que je vais peut-être être... C'est ça. C'est qu'il faut... Il y a une certaine défense à faire, mais en même temps, c'est pas tout blanc ou tout noir non plus. Là. Bon, fait que dans le fond... C'est une question de dromadaire, de boss. C'est ça, et exactement. Et d'employé. C'est ça. Boss et employé, ouais. Ouais. Dromadaire. Ah, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Fait que j'avais pas assez de misère à partir, mon affaire. Non, c'est ça, mais on a pas le dromadaire. C'est ça. Donc, à quoi, comme je disais, ça sert... syndicat, à base, ça sert à négocier comme du monde. Parce que ça se passe comme faux. Puis là, on a l'impression que ça vire tout le temps en grève, puis en lockout, puis en plein d'affaires pas le fun. La raison de ça, c'est que la grosse majorité des fois, c'est que les négociations syndicales, ça se passe assez bien, puis tout. C'est juste que ça fait pas des belles nouvelles. Mm-hmm. Comprenez? C'est bien plus le fun de parler quand il y a des lockouts, puis des grèves, puis des pétages de vitres. Puis là, j'exagère, là. C'est quand même pas lassé. Mais... c'est ça, tu sais, fait que il y a un peu de ça, je pense, présentement, il y a une grosse question d'image de relié à ça. Là, ça, c'est pour les syndicats maison, parce que là, c'est un peu compliqué, comme dans tout au Québec, ça peut pas être juste simple. Ben non. Fait que là, on a les syndicats maison. Dans le fond, ça, c'est le syndicat qui est dans une place. Mettons, par exemple, à l'UQTR, on a une couple de syndicats maison, on a les acronymes, parce que c'est les acronymes en plus, c'est super tough à retenir. C'est tout. Puis en plus, même quand tu connais l'acronyme, tu as des mots qui sont comme plus ou moins évocateurs, là. Mais tu sais, il y a le syndicat des professeurs, il y a le syndicat des chargés de cours, il y a le syndicat des employés de soutien à l'université. Bon, ça, c'est des syndicats maison. Ils réunissent certains membres d'un corps de travail spécifique, là. Souvent, c'est ça, ça va être par profession, mettons, là. Comme, tu sais, ils mêleront pas nécessairement le syndicat des professeurs avec le syndicat des employés soutiens parce que, bon, leurs conditions de travail sont vraiment différentes, puis tout, fait que faire des négociations, les regrouper pour les négociations, ça serait comme pas logique. Bon, ça, c'est une chose. Au-dessus de tout ça, il va y avoir les centrales syndicales. Puis, tant qu'à moi, c'est là peut-être que ça fait un petit peu plus mal. Parce que les syndicats maison, je veux dire, c'est souvent quelqu'un de c'est généralement dirigé par des gens qui travaillent dans place, qui ont un allègement de tâches pour pouvoir travailler pour le syndicat, dans le fond, pour pouvoir, tu sais, souvent, il y a une couple de postes comme ça, là, que, tu sais, souvent, il y a un genre de président, présidente, c'est pas un président, puis, puis, une couple d'autres postes comme ça qui sont plus permanents, mettons, puis après ça, il y a des gens qui font peut-être un peu de bénévolat là-dedans ou des trucs comme ça. Mais là, après ça, quand on tombe dans les centrales syndicales, c'est là que c'est un peu plus spécial. Là, c'est quand on entend syndicats au Québec, puis que ça, tu sais, que ça fâche, là, puis qu'on entend des trucs un peu bizarres qui se passent là-dedans, puis bizarre, je reste respectueux, ben, ça va être plutôt les centrales syndicales. Ça, c'est des gros regroupements de syndicats. Donc, c'est pas un syndicat dans le sens strict du terme, mais c'est des regroupements de différents syndicats qui se mettent ensemble, théoriquement, pour payer les affaires, mettons. En théorie, ça devrait être ça. Okay. Donc, souvent, les syndicats, justement, avec les syndicats, on a des, on a certaines... souvent, quand l'employeur ne fournit pas d'assurance santé, le syndicat va en fournir une, souvent. Il y a, à part de ça, il y a quoi? Ben, il y a les fonds de grève, mais en fait, les fonds de grève, souvent, c'est beaucoup plus local que dans les centrales. Mais en tout cas, ça c'est une affaire que... Puis là, moi, je suis bien en dehors de... Là-dessus, moi, je suis la loi syndicale, puis j'ai pas étudié les fonctionnements là, spécifiques des syndicats. Moi, comme d'habitude, je suis plus là pour parler de la question de principe. Là. Donc, les centrales syndicales, ce que je parlais, c'est... Il y en a pas gros. Il y a la CSN, ouais. La CSQ, puis la FTQ, c'est les principales. Okay. FTQ, Rambo, là, c'est ça. Ah, c'est ça. Particulièrement parce que là, ils ont des organisations différentes, comme mettons la FTQ, ils ont vraiment des sous-centrales syndicales. Fait qu'il y a la FTQ Construction, que ça, c'est juste les syndicats qui s'occupent juste des syndicats de la construction. Rambo, c'est là-dedans qu'il était, là. Ouais. Rambo Gauthier, là, c'est à Côte-Nord, là. Ouais. On s'entend? Donc, c'est ça. Là, c'est là que des fois, tu sais, les affaires, là, quand on parle de collusion, des fois, qu'on disait qu'il y avait des syndicats qui étaient impliqués là-dedans, c'est ça. Puis, tu sais, ceux qui connaissent Patrick Lagacé de la presse, il fait deux hommes en or, il a été des francs-tireurs pendant longtemps. Patrick Lagacé a commencé sa carrière en enquêtant sa FTQ. Là. Okay. Mm-hmm. Fait que c'est quand même, surtout justement, je m'en allais dire la cellule, comme c'est une organisation terroriste, mais la partie construction. C'est ça. Fait que, bon, on le sait, il se passe des choses. Je veux juste revenir à ce qui est important des syndicats, c'est que, bon, présentement, tu sais, on les accuse d'un paquet de choses. T'sais, ils font, mettons, comme par exemple dans l'enseignement, les enfants n'ont pas accès à leurs cours cette journée-là. Mm. Oui, c'est une chose, mais c'est que on s'entend, c'est facile des accusés, donc c'est bien, ils veulent juste avoir un plus gros salaire, ils sont déjà choyés, puis c'est déjà du monde qui gagne bien leur vie, puis là, ils veulent un plus gros salaire, puis c'est pour ça qu'il y a des enfants qui vont pas à l'école, leurs parents sont pognés avec eux autres, ça d'ailleurs, moi, excusez, là, mais QQ, là, vous êtes obligés de voir vos enfants de venir. Hey, hein? Bon, toi. C'est sûr que là, je suis peut-être un peu de mauvaise foi, là, mais... bon... Ça reste que les demandes, c'est pas juste salarial. C'est ça qu'on a tendance à oublier. C'est sûr que, là encore, je m'excuse, mais dans les médias, il y a une grosse emphase de mise sur vraiment les demandes en lien avec le salaire, mais c'est pas juste ça. C'est que, présentement, c'est que leur demande, c'est aussi de pouvoir faire leur job comme du monde. Parce que là, avec toutes les coupures qu'il y a, je sais pas si vous avez vu, là, une couple de semaines, ceux qui suivent Infoman, Jean-René Dufort s'était amusé à aller se promener dans les écoles de la commission scolaire de Montréal, montrer toutes les écoles désaffectées ou sous le bord d'être désaffectées parce que pas entretenues, pas en tout. Tu sais, quand c'est rendu que c'est les locaux qui sont... qu'il n'y a plus d'argent pour les même pas là, c'est même pas pour des beaux locaux ou de quoi, là, juste des locaux salubres. Ouais. Il y a de la moisissure, les briques tombent, ils sont obligés de montrer des affaires, ils clouaient des plywood, ces murs extérieurs pour pas que les briques tombent, ces enfants qui arrivaient à l'école. Okay, ouais. c'est quand même assez quelque chose. Fait que c'est aussi ça qu'essayent de porter les syndicats. Tu sais, quand ils disent quand je dis ça, surtout les syndicats de l'enseignement, leur slogan, c'est « porter l'école à bout de bras ». Mm-hmm. C'est un peu ça qu'ils font. Mm. Puis là, ben, ça passe aussi par là, dans leur demande. Ils se font augmenter leur charge de travail. Ceux qui sont un peu au courant, les gens en enseignement qui nous écoutent, la dernière réforme, la fameuse réforme qui a donc fait grincer des dents à tout le monde, pour qu'elle fonctionne, il a fallu avoir des classes réduites par rapport à ce qu'il y avait avant la réforme. Puis on les a augmentés à la place. Quand je dis classe réduite, c'est le nombre d'élèves par classe. Mm-hmm. Ouais. Donc, c'est des demandes par rapport à ça aussi. Parce que oui, ça, le nombre d'élèves dans une classe, c'est inscrit dans la convention collective. La convention collective, c'est l'espèce de contrat à la fin des négociations qui arrive entre qui a lieu entre d'un côté le syndicat et de l'autre côté le côté patronal. Là, ce qui a de la, puis ça, c'est ça qui est drôle, c'est que souvent dans le privé, les négociations se passent beaucoup mieux. Il y a des contre-exemples, c'est sûr. Là. Il y a des gros contre-exemples. Genre l'Empire québécois, en général, ça se passe pas tout le temps bien. On s'entend, les lockouts, tu sais, les lockouts à répétition. Oui, vraiment. Lockout, ça, c'est un peu le contraire. C'est un peu l'inverse d'une grève. C'est quand que le boss dit aux employés, vous rentrez plus au travail. On arrête la place. Tant que c'est comme un moyen de pression du côté patronal. Mm-hmm. Ouais, puis après ça, ils peuvent engager d'autres personnes sous-contractants qui sont genre pour faire un job pareil. Ça, en fait, c'est illégal. Ouais. ça s'appelle des scabs. C'est ça, parce que le journal de Montréal sortait pareil. Il y a des moyens de contourner, bien évidemment. Un exemple qu'ici en Mauricie, on n'a pas tant entendu parler, mais au Lac-Saint-Jean, c'est un gros problème. Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est plus au Saguenay, en fait, dans la ville de Saguenay. La très grosse majorité des concessionnaires automobiles dans la ville de Saguenay, là, l'espèce de gigantesque ville qui englobe, en fait, c'est rendu aussi une région administrative qu'ils ont transformée en ville. La ville de Jean-Lala Tremblay. Oui. Bon, prière conseil municipal, on s'en rappelle. Bon, ceux-là. Donc, il y a une très grande partie des concessionnaires qui sont en grève et en lockout actuellement, puis ça fait, je pense, ils sont rendus quasiment à 2 ans là, que ça fait que ça dure. Puis bon, là, c'est complètement stallé, puis la raison pourquoi, c'est que les concessionnaires, ils font, eux autres, quand ils ont des réparations à faire, des trucs comme ça, parce que c'est entre autres les mécaniciens qui sont en grève, quand ils ont des trucs à faire ces autos, ben ils envoient les gens dans les autres concessionnaires dans les villes autour. Fait que comme ça, ils perdent pas. Puis là, il y a question de propriétaire puis de tout ça. Fait que, techniquement, ils n'ont pas engagé de scab. Des scabs, ça, c'est des briseurs de grève, dans le fond. Mais techniquement, selon la loi actuellement, ils respectent la loi, mais on s'entend, c'est quand même un peu... une échappatoire, une entourloupette. C'est ça, une entourloupette. Voilà. Fait que bon, comme je disais, des trucs, ça arrive des deux bords. Mais bon, généralement, c'est ça, dans le privé, il y a comme une certaine... À un moment donné, tu veux pas, la compagnie peut pas rester paralysée par des négociations qui se tirent trop longtemps, ouais. De toute façon. 2 ans, on s'entend que... Quand on tombe dans le public, par contre, c'est là que ça devient plus spécial. Parce que là, l'employeur, c'est le gouvernement. Fait que là, le gouvernement, il y a des pouvoirs qu'un employeur normal n'a pas. Ça, c'est la fameuse loi spéciale que là, on commence à en parler tranquillement, pas vite. C'est qu'en gros, une loi spéciale dans ce cas-là, c'est que l'État peut faire passer une loi, puis là, en plus, les partis libéraux sont majoritaires, fait qu'ils peuvent le faire autant qu'ils veulent. Fait passer une loi qui oblige légalement les employés à rentrer au travail, ce qui fait que la grève deviendrait illégale. Attends un peu, là. Ok. J'ai dit beaucoup de choses. On répète ça, okay. S'il te plaît. Loi spéciale. Présentement, les employés sont... Les négociations sont... ont plus ou moins lieu. Présentement, ce qu'ils font premièrement, c'est pas... Là, la grève, c'est un mot très, très... Quand on dit grève, c'est une catégorie très, très large d'actions possibles. Okay. Il y a des grèves, ce qu'on, dans le milieu étudiant, on appelle des grèves générales illimitées. La fameuse GGI, là. Ça, c'est on tombe en grève là, puis on revient pas travailler tant que c'est pas réglé. Okay. Ça, c'est de la GGI. Mais il y a présentement, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils appellent des grèves tournantes. C'est que ils choisissent certains jours où ce qu'ils manifestent. Donc, premièrement, ça paralyse beaucoup moins. C'est quand même le moyen de pression. L'idée de ça, c'est un peu conscientiser les gens, d'amener un peu le problème dans l'espace public pour que les gens discutent. Est-ce que ça réussit? Toute une question. Parce que c'est sûr qu'il y a bien du monde qui voit ça puis qui sont bien remontés contre ça. Mm-hmm. Bon, ça c'est une chose, mais là c'est que les négociations s'étirent. On sait que les offres patronales étaient un peu 4,30 sous pour une pièce. D'ailleurs, il y a un chef syndical, je sais plus lequel, qui a vraiment dit ça en public. Mot. Mot pour mot, c'est 4,30 sous pour une pièce. Les augmentations c'était 0,0. Puis 1%, 1%, 1%. Ah, ça, c'est les années, dans le fond. Ouais. Puis là, il avait ramené ça que, mettons, le premier 1% serait comme la deuxième année de ce 5 ans-là là, qui est supposé être recouvert par la convention collective. Fait que là, comme faisait juste... Il donnait pas plus d'augmentation, il faisait juste la donner un petit peu plus tôt. Ouais. Puis comme, on s'entend pas tellement... Pas un gros changement. C'est pas une grosse... mettons qu'ils ont fait un pas, mais pas un grand pas. Ouais, c'est ça. On dit ça de même. Là. Donc, c'est ça. Mais le jour que le gouvernement est tanné de gosser, ben ils peuvent simplement dire « Bon, ben on fait une loi, on fait un projet de loi qui va passer parce que le gouvernement majoritaire. Ouais. » Puis la loi va dire « OK, les employés touchés par ces grèves-là, donc les employés de l'éducation puis de la santé, sont forcés de retourner au travail, n'ont plus le droit de faire la grève pour cette négociation-là. La négociation est terminée et vos nouvelles conditions de travail, c'est ça. » Faites avec. Faites avec. Deal with it. Ouais. Avec les petites lunettes qui sont... Sur un chien. Donc, c'est ça qui va toujours tordre un peu la dynamique de négociation quand que c'est des employés du public. Parce qu'il y a toujours... C'est une épée de Damoclès qui flotte toujours au-dessus de la tête menace, du moment que tu tombes en négociation. T'sais. Ça pourrait ne pas arriver. Ça pourrait arriver là. Ça pourrait arriver plus tard. C'est ça. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont le sortir. C'est sûr que... Bon. On est dans un modèle de parlementarisme britannique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont par la tradition. Il y a un certain temps, jadis... Naguère, il y avait une espèce de mentalité de « garde-toi une petite gêne avec ce genre de choses-là ». Ouais. Tu sais, divise un peu les rôles. En tant que ministre, tu négocies, tu mets ton chapeau de patron des employés de l'État, donc tu représentes la partie patronale, t'enlèves ton chapeau de ministre en même temps. Ouais. Présentement, ils ont stacké un par-dessus l'autre. Ils se disent... C'est pas grave, on a l'artillerie là dans l'arrière, on est le gouvernement, nous autres, on peut faire ce qu'on veut. Ça commencerait mal leur règne libéral s'ils commençaient tout de suite à faire ça, non? Mais là, c'est pas un règne libéral qui commence, parce qu'il faut pas mélanger libéral fédéral et libéral provincial. Excuse-moi. Ça, c'est au provincial. OK, oui. Santé, éducation, c'est des affaires qui coûtent cher, ça, c'est au provincial. OK. OK. Un autre facteur de plus. Ouais. Fait que c'est ça. C'est pas Justin. Non, Philippe. C'est pas la même affaire. C'est pas la même gang. Mm-hmm. Bon, est-ce que ça serait différent avec les libéraux fédéraux? Très dur à dire, on ne sait pas. Peut-être. Mais là, c'est ça. Présentement, on ne sait pas trop ce que ça... En fait, on sait ce que ça va donner. C'est qu'il va y avoir une loi spéciale. La question, c'est quand? OK. Ah. Et ça va être celle que tu as dit tantôt. Ben, ça va être cette loi spéciale. Quand on est en négociation, quand on fait allusion à la loi spéciale, c'est une affaire comme ça, la loi spéciale. Puis c'est ça, puis c'est ce que j'allais dire, c'est ça, c'est que dans notre système politique, il y a beaucoup de règles non écrites de garde-toi une petite. Tu peux le faire, mais garde-toi une petite joint. Okay. Mm-hmm. Puis ça, le recours à la loi spéciale, depuis au moins une vingtaine d'années, la petite joint n'est plus vraiment là. Elle a été utilisée. Ça a été utilisé fréquemment. OK. Dans différentes négociations. Puis ça, puis là, c'est pas pour fesser sa tête du PLQ. Là. Le PQ aussi, ça se sont gâtés avec ça une couple de fois. Fait que c'est sûr que, tu sais, pourquoi vous faites ça? Because we can. Ouais, c'est ça. Souvent, là. C'est mm-hmm. ça. Oh, faut garder, on a tanné de délai. C'est en spécial, moi, le prends. C'est ça. Comme quand tu magasines. C'est ça, même logique. Nouveau iPhone est sorti, qu'un. Ah, Mathieu? Hein? C'était une petite pin. Ah, je l'assume tellement. Ça n'a pas marché, mon truc de pas payer cher pour ça. Mais pas payer cher pour un iPhone, c'était un peu une oxymore, ça. Ah, j'avais pourtant une si belle technique. Non. Non, c'est ouais. Désolé, Mathieu. On avait parlé avant. C'est ça. Grosse inside en onde. Non, mais... les gens qui ont le budget pour s'acheter un iPhone ou slash le budget fictif pour acheter un iPhone. Ouais. Moi, c'était un budget fictif. Ah, voilà. Les libéraux. Mais en fait, c'était pas... ça finissait, c'était plus une parenthèse, c'est libéraux qu'autre chose. Ce que je voulais finir aussi d'ailleurs, c'est que moi, je suis pas en train d'essayer de... Je suis pas nécessairement un gros fan du syndicalisme au Québec non plus, parce que je pense qu'effectivement, il pourrait être flanc à la critique beaucoup. Ouais. Même si présentement, mm-hmm. c'est peut-être pas l'impression que j'en ai donné. Là. Mais c'est ça, ça reste que... En fait, je pense que je suis plus nuancé dans mon article. Lisez mon article, il ouais. est bon. Donc, l'idée est bonne, mais le principe et comment c'est fait, c'est pas... Ça répond à un besoin, ça règle des problèmes, l'existence des syndicats. Ouais. Dans l'absolu, je veux dire. Question de... En principe. Selon la définition, mais c'est supposé. Gardons toujours en tête que le YAB est d'un détail. Ouais. Et ça dépend toujours mm-hmm. comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que c'est réglementé, comment... Tu sais, il y a beaucoup de monde qui le disent présentement que la loi, c'est syndicats, elle commence à être vétuste un peu. Oh là, tant tu sors les grands mots, ouais. Vétuste. Elle commence à être un peu vétuste. La vétuste de Milo, il manque un bras. La vétuste... Ben oui, il manque une coupe, en fait, puis il manque une tête aussi. Ah, c'est une belle métaphore pour ce que je voulais dire. Ça me fait plaisir, j'ai même pas fait exprès. Comme beaucoup de choses. Hey, toi, là... Un jour, bon temps, sacré. Je suis baveux, maintenant. Hey, j'aime ça. C'est correct, pour une comprend. Fois, c'est pas ma dieu. C'est ça. Hey, un couteau là-dedans aussi. Ouais, hein? On est une gang de baveux. Hey, ben ouais. Tu m'as traité de... d'agace tout à l'heure. Ouais. Ah non. C'est un argument contre? Oui. OK. On est tellement baveux que les micros sont tout trempés. Bon. Oh boy. Un peu vrai. C'est pas pour non, ça. Non, c'est à cause que c'est vraiment humide. Ah! Tu sais, nous autres aussi, les bâtiments à l'QTR. C'est peut-être pas insalubre. Non, non, c'est vraiment pas aussi pire. Là, mais les conduits d'aération. D'ailleurs, on s'entend, Infoman, lui, c'est de la satire, fait qu'il va tout le temps dans le pire. Ben oui, c'est pas toutes les écoles au Québec. Ben, sinon, ça ne même non plus. Ce serait vraiment pas divertissant s'il est dans les cas normaux et adéquats. Ben, je pense que si on peut faire une petite réflexion sur Infoman, je pense qu'il y a quand même une fonction importante dans sa satire, c'est-à-dire que. Oui, il fait ressortir le pire, mais il fait souvent ressortir le pire de « on n'y a pas pensé d'aller voir ça ». Tout à fait. Moi, c'est comme, mettons, là il faisait bien des jokes sur Mélanie Jolie depuis un bout de temps, puis là, il fait des jokes sur le fait que c'est pas vrai que j'ai fait des jokes sur elle, parce que là, c'est rendu sa bosse. Ah oui! On se rappelle de Mélanie Jolie, la nouvelle... La nouvelle ministre du patrimoine qui s'était présentée à la mairie de Montréal, puis qui promettait qu'elle se représenterait à la mairie de Montréal contre Coderre quand il essaierait d'avoir un deuxième mandat, puis qu'elle serait là, puis là, finalement, elle se présente au fédéral. Finalement, il y a eu tout un imbroglio par rapport à sa candidature. D'ailleurs, ça, c'était assez drôle, là. Sens une parenthèse. Il y a une grosse parenthèse. Ben, en fait, c'est déjà une parenthèse. Mais dans la parenthèse. Dans la parenthèse. C'était un peu drôle, comme histoire. Là, j'ai pas tout compris les tenants aboutissants de cette affaire-là, mais c'est qu'apparemment que dans la circonscription, ce qu'elle s'était présentée, il y avait une ancienne candidate qui était très appréciée, que c'était pas la première fois qu'elle se faisait élire, puis que, bon... Puis, Mélanie Joly était un petit peu parachutée là par l'élite du parti, mettons, du Parti libéral canadien. Il faut le spécifier, parce que des fois, ça devient mêlant. Celui de Justin Trudeau. Par Justin, en fait. Justin voulait vraiment que Mélanie se présente là. Okay. Fait que là, il y a eu l'assaut de comté, était pas trop contente. Ça a fait un peu de la chicane. Théoriquement, le Parti libéral avait pour principe de fonctionner vraiment selon des investisseurs démocratiques, c'est-à-dire que le parti ne force pas des candidats, c'est vraiment tous les gens du comté qui vont voter avant les élections, qui vont voter pour qui qu'on veut qui se présente pour le parti. Beaucoup de partis qui font ça d'ailleurs, puis le Parti libéral en est un, ça les honore d'ailleurs. Mais là, il y avait essayé d'un petit peu tordre les règles, puis en tout cas, c'était bien touché. Finalement, elle a pu se présenter, finalement, c'est elle qui a été élue. Ça s'est réglé comme 2 semaines avant le scrutin d'ailleurs. Okay. C'est quand même. Ça a pris du temps avant de se régler. Mais oui, c'est ça, Infoman qui sort des trucs par rapport à elle, tu sais, qui s'amuse entre autres à mettre une à côté de l'autre des citations qu'elle dit, tu sais. Mettons à 6 mois d'intervalle, c'est pour montrer comment est-ce que tu as dit non, je vais rester à la mairie, puis là, finalement, je vais retourner dans le privé, finalement, je me présente en politique. Tu sais, il est fort là-dessus, ouais. Infoman. La mais recherche. C'est sûr ouais. qu'il va. La recherche, c'est ça, c'est sa grande force. C'est sûr que. Des fois, c'est sûr que par définition, ce qu'il fait, c'est démagogique. Ouais. T'sais, mais ouais. c'est du démagogie le fun au moins. T'sais, justement, t'sais, oui, effectivement, il a pas montré un échantillon représentatif des écoles de Montréal. Mais le but, c'est pas d'être représentatif, c'est bon, de faire ça pour conscientiser. T'sais. Exactement. Donc, une chance ça pour dire. Quelqu'un qui le fait, pour vrai. T'sais. C'est ça, c'est ouais. ça. Puis d'ailleurs, à Infoman, il y a bien des gens de gauche qui étaient pas contents parce qu'il y a. La invité, gauche qu'on appelle. La gauche. Ben pas, non, je dirais pas la gauche. Ça m'énerve. Moi aussi, ça, en ça fait. M'énerve. Ça ouais. m'énerve parce que. C'est tout le temps un mot négatif pour eux autres, la gauche. Ben c'est ça, tu sais. Puis après ça, quand quelqu'un qui va dire ça de droite, tu t'en vas dire que, tu sais, je veux dire, il chiale avec raison contre le monde qui chiale contre la droite en général. Mais là, ils font la même affaire. Exact. Donc, tu sais. Tellement. L'utilisation du terme gauche, c'est comme de dire que les drétistes sont toutes caves. Oui. Arrêtez ça. Faut relativiser. Cessons. Soyons gentils. C'est ça. Oui. C'est ça. On peut débattre en étant respectueux. C'est ça. Difficile de nos jours, ça. Oui. Les gens sont merci extrémistes. C'est ça. Oui. Merci Facebook. Tellement. Tellement. Wow. Mais où je voulais en venir avec ça, parce que c'est une grosse affaire pour amener le fait que, justement, pour revenir un peu sur le sujet de ma chronique aujourd'hui, les syndicats et les négociations syndicales. Ouais. Justement, Pierre-Yves McSween a été. C'est-tu Pierre-Yves son prénom? Hey, j'ai de la misère avec les prénoms maintenant. Appelle-le McSween. McSween, oui, voilà. McSween. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a entre autres chroniqueur dans le journal Voir. C'est un comptable de profession qui est aussi enseignant au cégep. Qui est, bon, les gens de gauche l'aiment vraiment pas. Des fois, c'est vrai que, bon, tu sais, je veux dire, c'est un comptable et un peu, tu sais, les économistes, que tu sais que leurs conclusions sont un peu écrites avant qu'ils commencent à. Mm-hmm. Il est un peu de même des fois. Fait effectivement, ses chroniques font souvent grincer des dents, puis il est un petit peu, tu sais, justement, il est un petit peu dans le sophiste, mais des fois, il en sort des papiers. Puis, Infoman l'a invité. Puis, dans le fond, McSween, ce qu'il montrait dans le truc d'Infoman, c'est qu'il dit pire que ça, les grèves présentement. Bon, là, je vais revenir sur quelque chose que tu avais dit, Tania, il y a une couple de semaines. Oui. Tu avais dit, en plus, ces gens-là font la grève, puis pendant ce temps-là, ils sont payés. Or, ce n'est pas vrai. Oh! Après vérification, du moment que tu es en grève, l'employeur ne te paie plus de salaire. OK. C'est pour ça qu'il existe des fonds de grève, justement, c'est que les syndicats, on s'entend, les syndicats, ils perçoivent des cotisations à leurs membres. Mm-hmm. Une partie de cet argent-là sert à créer un fonds pour donner un revenu aux gens pendant qu'ils font la grève. OK. Parce qu'on s'entend, t'as bien beau, tu veux le but d'une grève, bon, ça va être de briser une situation sans issue dans des négociations. Un cul-de-sac, c'est ça que je voulais dire. Un cul-de-sac des négociations. On s'entend, tu veux quand même pouvoir faire tes paiements. Fait que souvent, c'est ça, le syndicat s'arrange pour donner une petite rémunération pour compenser. Souvent, on s'entend, c'est jamais le salaire total, mais pour au moins essayer de réduire l'impact quand même. C'est vraiment ça, c'est réduire l'impact. Là. C'est pas autant parce que... Parce que tu veux pas te punir en allant en grève nécessairement. Ben, tu te punis un peu pareil. Oui, oui, là, on s'entend, là, c'est jamais... C'est pas le fun. C'est ça faire. Moi, je pense que c'est... Tu sais, il y a quelques semaines, je disais que ça me fâchait un peu. C'est surtout la plage horaire qu'ils ont décidé de prendre qui me fâche un peu. Tu sais, que tu décides de faire la grève pour dénoncer quelque chose, je suis tout à fait d'accord. C'est la plage horaire de le faire. Tu sais, si tu vas marcher pendant la fin de semaine, est où ta différence? Ouais. T'es pas payé pareil pendant la fin de semaine. Tu sais, oui, t'es pas payé là, t'as un petit fond pareil, sauf que quand même, ton élève va être dans ta classe le vendredi à la place que toi, t'as marché. Fais-le le samedi. Ça a moins d'impact, mais, ça. Mais, bon. Mais pourquoi est-ce que ça aurait moins d'impact? C'est ça l'affaire, c'est pourquoi est-ce que ça aurait moins d'impact? C'est vrai. Tu sais, une journée de la semaine, c'est une journée de la semaine. En théorie, c'est pas censé avoir moins d'impact parce que tu le fais à la fin de semaine. Tu sais, il y a plein de gens qui font des marches de sollicitation pendant la fin de semaine. Ben, vas-y, crier pendant la fin de semaine, pas de problème. Mais c'est que ça dépend tout le temps de la cible de ton moyen de pression aussi. Ça dépend ce que tu essaies de faire. C'est une escalade d'habitude. Ben, c'est ça. Fait que l'idée, c'est ça, c'est qu'ils ont commencé par des moyens de pression beaucoup plus soft, qu'on n'a juste pas entendu parler. Ben, c'est ça, parce que ça n'avait pas d'impact sur les gens. C'est pour ça que tu veux en faire parler, il faut que tu aies un impact qui atteint les gens. C'est pour ça, peut-être qu'on tombe trop vite dans dans la grève. Oui. Mm-hmm. Puis, probablement, en fait, d'ailleurs, c'est une chose que j'ai tout le temps dénoncée dans le mouvement étudiant, y compris quand j'étais très impliqué là-dedans, tout de suite, on s'en va à la grève. Oui. C'est sûr que dans le milieu syndical, c'est quand même moins vrai, mais ça n'en devient pas faux pour autant. Fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est ça, c'est que mon article se concluait en disant mm-hmm. un moyen de pression, comme une grève ou un truc comme ça, ça sert, c'est pas une chose qu'il faut analyser en général, je crois, mais c'est une chose qu'il faut regarder dans la situation particulière, ce qu'on essaye de faire. Donc, on peut dire que présentement, peut-être que c'était trop tôt pour se rendre à ce moyen de pression-là. Peut-être que les autres moyens... Parce qu'il y en a eu d'autres moyens de pression avant, c'est ça? Oui, c'est sûr. Quand même, là. Peut-être qu'on les a pas assez poussés, ceux-là, avant. Il y avait, entre autres... Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les profs, particulièrement secondaire et primaire, ils ont beaucoup de tâches connexes, pas vraiment rémunérées. Fait à la maison, entre autres. C'est ça. Ben pas rien qu'à la maison, mais qui font des... Tu sais, organiser des... Mettons, l'exemple qui avait été donné, c'était les activités de l'Halloween. Oui. Un prof organiser une activité de l'Halloween, il n'est pas obligé de le faire, pas en tout. Il fait pareil, parce que... Ça y tente. Justement, parce que comme il aime bien ça le dire, surtout les gens qui aiment baisser le salaire des profs, c'est une vocation. Ouais. C'est une vocation dans le sens que oui, ils se donnent dans leur job. Tant qu'à moi, c'est pas un argument pour baisser leur salaire. Exactement. Ouais, non. Mais je veux dire, parce que rendu là, les éboueurs seraient millionnaires, puis les PDG de compagnie seraient peut-être pas mal moins riches. Mm-hmm. Je veux dire, c'est pas un, je pense que c'est pas un argument à dire que c'est une vocation, c'est pas un argument pour sous-payer les gens. C'est des gens qui ont des études. D'ailleurs, on le sait, faire un bac en enseignement de nos jours, c'est pas facile parce que c'est un bac de 4 ans, donc t'as un long endettement. T'as des stages que souvent t'es obligé de travailler en même temps, puis on s'entend, ton stage, c'est de travailler à temps plein dans une école. Ouais. Fait que, tu sais, y a tout ça qui joue aussi. Fait qu'on s'entend qu'ils n'ont pas des moyens de. Il y a quelqu'un que je connais qui a fait un tableau comparatif qui dit oui, c'est vrai que le salaire en rentrant au Québec, on est dans la bonne moyenne canadienne. L'affaire, c'est qu'une fois que tu te rendes aux autres échelons pour faire un peu plus d'argent, c'est beaucoup plus long. Fait que dans toute ta carrière d'enseignant au Québec, tu vas avoir gagné finalement beaucoup moins que dans le reste du Canada. Fait que, tu sais, de dire qu'on les paye trop, que ouais, ils ont 4 mois de congé, entre guillemets, l'été, c'est pas vrai, ça, premièrement. Là. C'est pas 4 mois, d'ailleurs, je dis 4 mois parce que moi, c'est au cégep, je l'enseigne. mais au secondaire, premièrement, ils ont pas 4 mois. Puis deuxièmement, n'importe quel enseignant qui. Puis je veux dire, j'ai parlé à des enseignants, là, puis t'as pas tout l'été de congé. Une grosse partie, en fait, tu vas probablement te prendre maximum 4 semaines, pareil comme un peu tout le monde qui a une job qui a de l'allure, parce que de toute façon, tu as de la préparation à faire, puis ton 4 semaines de vacances, des fois, tu en as besoin, parce que c'est la fin de l'année, avec les corrections et tout le kit, je m'excuse, mais c'est un rush de fin de session. Mm-hmm. Je veux dire, les profs, ils en ont des rushs de fin de session. Fait que... Donc là, je prêchais peut-être un petit peu de ma paroisse, là, mais... c'est plus de quoi tu parles que la plupart des gens qui chialent contre ça. Mettons. Ben, en tout cas. Ben oui. Je mettons que je suis empathique vu que c'est peut-être probablement un job que je vais faire. Ouais. c'est ça. Moi, c'est au cégep que je vais enseigner. Tu l'as vu faire par d'autres et tu te. T'sais, c'est ça. T'as l'expérience quand même un peu là-dedans. Je veux dire, avant de me décider d'aller là-dedans, j'ai justement parlé à des profs c'est quoi. Puis tu sais, c'est pas du caprice. Puis c'est pas parce qu'ils veulent se pogner le bacon. Ouais. Tu passes ton été à préparer tes trucs. Ouais. Il y a des établissements où ce qui force les enseignants à être là l'été pareil pour préparer dans leurs locaux. Parce que c'est ça, pour différentes raisons, dans le fond. Fait que c'est ça, tu sais, t'as pas un 3 mois payé là, l'été. Là. C'est pas de même que ça marche. Ouais. J'ai complètement perdu ce que je veux. Moyen de pression. Ouais. Les moyens de pression, c'est ça. C'est un moyen de pression, c'est quelque chose de spécifique qui va tenter de répondre à une situation spécifique. Fait que ce qu'on peut critiquer, c'est dans la situation, est-ce que c'était le meilleur choix qu'il aurait pu faire. J'ai commencé à parler de McSween à Infoman. McSween, nous, ce qu'il disait, la grève, ils ont mal pensé leur affaire parce que les offres patronales présentement, donc les offres du gouvernement, l'argent que le gouvernement rajoutait là-dedans, c'était à peu près le montant que le gouvernement a économisé avec les journées de grève, dans le fond, en salaire non payé. Mm-hmm. Fait qu'il disait, ben, on finance notre augmentation de salaire, dans le fond, parce que lui, justement, il est enseignant. C'est sûr que, bon, lui, il est connu pour être là anti à peu près tout dans la vie. Comme je dis, des fois, c'est très intéressant parce qu'il va sortir des points de vue que on n'aurait peut-être pas pensé avant. Là-dessus, son calcul a été très, très critiqué. Apparemment, c'était un peu démagogique ce qu'il disait. Puis bon, il disait, ben, c'est y en a qui disaient, ben oui, mais tu sais, c'est de la satire pour Infoman, qui a quand même, à base, un peu raison. C'est vrai que ça va. Tu sais, c'est vrai que le gouvernement économise sur le dos de la grève avec ça, tu sais. Parce que si tu comptes toutes les profs au Québec, fois le salaire de leur journée, ça fait quand même ça commence à faire un pas si pire montant, là, tu sais. Mais c'est ça. Puis là, bon, là, il y a eu une petite guéguerre par blog et article de journaux interposés ouais. entre quelqu'un qui s'auto-surnomme le prof masqué, qui voulait pas donner son nom, par peur de représailles, d'ailleurs. Ouais. Puis là, ils se sont répondus un peu par statut Facebook, par un peu tout, là. Fait que là, moi, je suis pas compétent pour vous dire son calcul se tenait dessus ou non. Puis moi, ben, honnêtement, souvent, les calculs de cette nature-là, c'est parce que ça dépend tout le temps de ce que tu prends en compte. Puis. L'économie n'est pas une science exacte. Mm-hmm. La comptabilité, peut-être un peu plus, mais des fois, tu peux quand même. Tu peux inventer une situation de déficit avec un profit, des fois. On peut faire dire des affaires au chef. C'est ça qu'il faut retenir. Bref, il y avait beaucoup de choses dans la chronique aujourd'hui. Tu trouves? Ouais, je sais pas, on dirait que c'est pas mal tout le temps comme ça, mais c'est ce qu'on aime. Ben oui. C'est des parenthèses, c'est des formules mathématiques. C'est pas une science exacte, mais on arrive à un résultat qui est une chronique complète par semaine. Voilà. Puis on apprécie ça. La suite la semaine prochaine. Ah, je sais pas si je vais reparler de ça la semaine prochaine. On verra. Ça va d'un sujet lourd. Ben, ce sont tous des sujets lourds. Ben, ce sont tous. Ben, on qui ont besoin fort, d'être. Hein? Exactement. On est fort au Québec avec les sujets lourds. C'est ça. Excusez-moi. Mais... on a besoin de se faire expliquer par quelqu'un qui connaît au Québec. Ben, je pense qu'on est bon au Québec pour rendre les sujets lourds. Surtout, exactement. Parce que. Si on peut faire une petite. Moi, j'ai l'impression. Tu regardes, mettons, là, par exemple, en France. Eux autres, tu sais, je veux dire, toutes les sociétés. Mettons, on va dire les sociétés occidentales, là, parce qu'on se ressemble quand même. Ouais, ouais. On a à peu près les mêmes sujets qui vont venir. On va juste les traiter de manière différente, puis tout. Mais j'ai l'impression, comme en France, eux autres sont bien forts sur. Ils se crient après. Puis après ça, c'est réglé, tu sais. Ouais. Nous autres, on a tendance à se tourner ça dans le. Tu sais, mamelon, comme on appelle. C'est ça, ouais, du twistage de mamelon, tu sais. C'est ça, t'sais. On a tendance à se torturer un peu avec ces affaires-là. Puis là, tu sais, on s'en va chercher toutes les virgules. Puis tu sais, moi, je suis un peu ces affaires-là. Souvent, tu sais, des gens sur. Des un peu leaders d'opinion, là, mettons, ceux qui connaissent le détesteur, entre autres, ouais. là, Murphy Cooper, des trucs comme ça. Tu t'en vas là-dessus. Puis souvent, quand ça va parler de féministe. Tu vas tout le temps avoir du monde qui vont taponner dans les virgules, puis dans la sémantique, puis dans tout. Puis on est bien fort là-dessus au Québec de dire « Ouais, mais là, tu sais, t'as dit ça de telle manière, mais là... » On suranalyse un peu. Tu sais, ça n'a pas d'allure comment tu dis ça, puis là, « Ah, mais là, moi, je suis pas d'accord parce que là, t'as dit tel mot, puis de... » En tout cas, ça, c'est... Dans certains milieux, en tout cas, c'est bien fort là-dessus, l'une des affaires que je suis. Puis j'ai l'impression que c'est ça que, oui, tu sais, de l'argotage, ces termes, c'est un truc universel, là, surtout quand tu tombes dans... Surtout quand tu tombes dans des débats entre gens qui ont, qui ont une certaine culture, mettons. Ouais, ouais, ça se comprend tout vraiment personnel aussi, hein, ouais. les Québécois. Oui, c'est ça. Ça aide pas. Bon. C'est vrai. On s'auto-tire dans le pied, en fait. T'as pris le sujet de la lourdeur et tu l'as rendu lourd. Ah ouais? Ouais. Ouais. Bref, non. Okay. C'est une blague. Donc, on a parlé de grève, c'était bon. C'était comme de la sauce brune sur des patates, c'était de la gravy. On l'a pas eu dessus. Je vais finir sur ça. On va finir sur de la poutine. La grève. Ça joue de moi avec grève. Juste faire une mini parenthèse avant de finir. Fallait bien que je dise quelque chose qui allait te faire une parenthèse. Vas-y. Non, mais t'as pas encore compris. Tout m'a fait faire des parenthèses. Mais dans le mouvement étudiant, entre autres, il y avait un terme qu'on utilisait des fois pour dire quand on parlait de tu sais, mettons, là, toutes les affaires là, de moi, tu le dis, Colin, de faire ça vite. Là, je veux faire ça vite, fait que là, ça prend plus de temps. Tu sais, quand on tombe dans des affaires plus bureaucratiques, quand on commence des assemblées générales, il faut tout le temps comme. Ah, oh, ça, c'est lourd. Ouais. Le procès verbal, la réunion d'avant. Nomination du secrétaire de l'assemblée. C'est ça, puis tout. Ça, on appelle ça la poutine d'habitude. Ouais. La poutine administrative. Comment faire que le mot poutine devienne quelque chose de péjoratif et c'est ça, négatif? C'est ça. T'sais, on est bon là-dedans. Ouais, c'est vrai. Bref, allons manger une bonne poutine à Belle-Province. Ah, on fait ça tous les matins, ça a des fins. Merci Sébastien Vigartin. On te lit dans son campus, ta collègue éditoriale. Ouais. Et on te retrouve ici chaque semaine, les mercredis à 8h. Ok, oui. Sébastien Vigartin, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons. Un certain midi cette semaine. Semble-t-il qu'un produit très populaire chez Dolorama fait l'objet d'un rappel important. Les jeux de lumière, 50 lumières miniatures de Noël pour l'intérieur vendus chez Dolorama font actuellement l'objet d'un rappel important. Donc, si vous êtes allé magasiner pour vos décorations des fêtes chez Dolorama puis vous avez acheté le jeu de 50 lumières miniatures pour Noël, ben peut-être le rapporter à votre magasin ou le sacré aux poubelles. Bien qu'aucun incident n'ait encore été rapporté, on dénombre 338 142 jeux de ces lumières qui ont été vendues au Canada. Les produits ont été rappelés... les produits rappelés ont été vendus entre octobre 2014 et octobre de 2015, donc l'octobre de cette année. Les consommateurs doivent immédiatement cesser d'utiliser ces lumières saisonnières rappelées et les rapporter au magasin pour obtenir un remboursement. Le produit rappelé mesure environ 3 mètres, 10 pieds et se compose d'ampoules claires ou colorées montées sur un cordon vert. Le produit rappelé porte le numéro I-50, le numéro de dossier CSA 22 48 23 et le numéro d'article Dolorama, eh bien le 09 38 39 96 2 et le code COP 67. Ah, là il y a des chiffres. Le numéro de modèle et le numéro de dossier CSA figurent sur une étiquette blanche fixée au cordon, tandis que le numéro d'article Dolorama et le UPC code figurent sur l'emballage du produit. Voici les images afin de mieux identifier le produit visé par le rappel. Donc on vous invite à aller voir via la page Facebook du Dîner de cons le problème. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est, par contre le problème de tout ça. Ça doit être que ça peut prendre en feu, je ne sais pas. Si on va voir les commentaires des internautes, eh bien, il y a Nicole C. Gingras qui nous dit que le nom du commerce est Dolorama, mais excusez-moi, les gens qui achètent à ce commerce n'ont peut-être pas votre revenu et veulent aussi fêter Noël. OK, les gens se mettent à chialer sur Dolorama. Donc, oui, c'est ça. Alors, faites attention, ça pourrait exploser. Non, mais ça ne nous dit pas c'est quoi le problème. Ici, un conducteur bat un record de vitesse en se faisant donner une contravention. C'est les policiers de la MRC de Charlevoix qui ont assisté à ce qu'on pourrait qualifier de drôle d'exploit en procédant à l'arrestation d'un conducteur qui filait à une vitesse folle sur la route 362 aux Éboulements. Ça, c'est vraiment justement dans notre belle région de Charlevoix. En effet, ce conducteur en question, qui était âgé d'une vingtaine d'années, roulait à 200 km/h dans une zone de 90. Au dire de la Sûreté du Québec, le conducteur fautif aurait reçu un billet d'infraction de plus de 2 000 $, ainsi qu'il aurait perdu plus de 30 points d'inaptitude. Le jeune homme devrait en retirer une bonne leçon, car son permis est maintenant suspendu, et ainsi que son véhicule qui a été saisi. Bonne chose, je crois. Hein? Il y a quelques semaines, je vous avais parlé de ce collégien qui a été arrêté pour une horloge qui était bricolée par lui-même et qui a été prise pour une bombe. Eh bien, hein, c'est un Américain. Il veut 15 millions de dollars pour ça. Hein? Donc, cet élève musulman interpellé dans son école au Texas pour avoir apporté une horloge artisanale confondue avec une bombe réclame 15 millions de dollars en réparation, a indiqué lundi son avocat. Je peux comprendre qu'il y a un préjudice. Moi, je suis pour le fait qu'on lui redonne de l'argent. Hein, ça, je suis complètement dans ça. 15 millions de dollars, peut-être un petit peu d'abus ici. Hein? Donc, Hamed Mohamed, 14 ans, avait été menotté et brièvement détenu en septembre pour avoir amené à l'école un bricolage de son invention. Donc, une horloge composée d'un écran numérique et d'un circuit électronique fabriqué pour impressionner son professeur de technologie. Qu'un enseignant puis la police avaient prise alors pour une bombe. Élève de troisième année de l'école MacArthur, de la ville de Irving, près de Dallas, il avait reçu une immense vague de soutien, y compris de la part du président Barack Obama, lorsque sa sœur avait tweeté une photo de lui le montrant menotté portant un T-shirt arborant le logo de la NASA. Ses avocats ont adressé une lettre à son école et ainsi qu'à la ville d'Irving pour menacer, les menaçant de poursuite en justice pour réclamer un total de 15 millions de dollars dollars, soit 5 millions à l'école et 10 millions à la municipalité, rien de moins. Selon cette lettre, l'incident a provoqué un traumatisme psychologique important. Ça prend 15 millions pour réparer ce traumatisme-là. Sinon, je vais rester traumatisé. 14 millions, je vais rester encore traumatisé, ça c'est sûr. Aïe, aïe, hein? Donc, les avocats de ce fils d'immigré soudanais ont argué que l'école, la police et les responsables de la municipalité avaient enfreint ses droits en l'accusant et à tort et en l'arrêtant et en le débinant une fois, une fois son histoire révélée. Hamed a clairement été ciblé à cause de sa race, de ses origines et de sa religion. C'est ce qu'a écrit Kelly Hollingworth, l'une de ses avocates. Imagine, il y a déjà une armée d'avocates qui s'est mise sur son cas. Ça, là, savez-vous quoi? C'est que lui, le petit Ahmed, là, peut-être que justement, il a cherché un avocat pour se défendre parce qu'il trouvait qu'il avait été jugé vraiment injustement. Ce qui est, comme j'ai dit tantôt, tout à fait louable. Et puis même, j'aurais sûrement fait pareil. Sauf que là, des avocats se sont mêlés là-dedans. Ils ont vraiment dit, hey, on peut vraiment aller chercher un méchant magot avec cette histoire-là. Tout à fait. Donc, on abuse, puis on va presser sur le citron. Sa famille a reçu des emails de menaces et a été contrainte de quitter son domicile dont l'adresse avait été révélée. Elle s'est depuis installée au Qatar où l'adolescent qui avait été invité à la Maison-Blanche a reçu une généreuse bourse d'études. Donc, une histoire à suivre. La connerie humaine, hein? Autant c'était des imbéciles, des crétins qui ont accusé ce jeune homme à tort, autant ce jeune homme répond avec si peu d'intelligence, si peu de sagesse. Peu importe. Comme j'ai dit, il aurait pu demander des réparations, là. Il aurait pu demander 1 million, même, ça aurait été pas mal déjà. Mais non, on va demander 15 parce que sinon, je vais vraiment rester très traumatisé. Un homme complètement fou se jette d'une montgolfière sans parachute. Ça fait des images assez spectaculaires et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Donc, c'est un homme que je cite ici. Il nous dit « Quand je me suis levé ce matin, j'ai senti que je n'allais pas avoir besoin de mon parachute. Donc, je vais m'en débarrasser. » C'est ce qu'a lancé donc ce jeune homme dans la montgolfière. Mais la démarche d'Antti Pendikäinen n'est pas aussi simple que la présentation qu'il en fait. Ce Finlandais est un athlète de l'extrême, un cascadeur chevronné. Il a aussi quelques amis sur qui compter. C'est le collectif Stunt Freak. Torse nu, en short, le jeune homme s'est jeté tout bonnement de la montgolfière. Après avoir goûté à la liberté du grand air, Antti, qui est le jeune homme, a attrapé en vol un de ses coéquipiers et s'est attaché à lui juste avant l'atterrissage. Une folle prouesse qu'il réalise pour la seconde fois. La première avait été réalisée en 2007. Vraiment, allez voir ça ou pas, mais c'est ce qu'on peut appeler de l'extrême. Ça, c'est absolument... ça peut rien être d'autre. Un homme ivre a la drôle d'idée de monter sur un toit pour y enlever les tuiles. Hein? Quand on est sous, on fait parfois des choses bizarres. Et c'est le cas de cet homme qui a décidé d'enlever toutes les tuiles d'un toit qui n'était pas le sien, en plus. Ben non, mais tu sais, si ça avait été le sien, on aurait pu dire, il veut faire de la réno, il veut en mettre un neuf. Non, il était juste sous. Donc, cet homme ivre qui se promenait dans les rues de Toulouse lundi soir a eu l'étrange idée d'enlever toutes les tuiles du toit d'une maison. La police a retrouvé ce jeune homme de 30 ans dans le quartier de Croix-Dorade, perché sur le toit, et il était en train de jeter toutes les tuiles, une après l'autre, au sol. Et puis là-bas, en Europe, souvent, c'est des tuiles en céramique, hein? Fait que ça fait une belle explosion quand la tuile tombe par terre. Vraiment, c'est magnifique. Il a été placé en garde à vue et en cellule de dégrisement pour qu'il reprenne ses esprits. Il semblerait que le choix de la maison soit dû tout simplement au hasard. Félicitations, garçon! Des milliers d'insectes se ruent sur un homme pour l'empêcher de sortir d'une grotte. C'est les insectes, et on peut tout voir ça en vidéo, hein, date tous les vidéos. Tout ce que je vous parle ce matin, on peut tout aller voir un petit extrait. Les insectes qui se trouvaient donc dans une grotte de la Nouvelle-Zélande ont semblé se prendre d'amitié pour l'un des visiteurs, car ils n'ont jamais voulu le laisser sortir. Jamais. Il s'en est sorti. Je pense pas que l'homme est mort, là. Donc, un homme qui était en train de sortir d'une grotte qu'il venait de visiter près de Naruma, en Nouvelle-Zélande, s'est fait attaquer par une énorme nuée d'insectes. Il a dû se couvrir le visage et a rebroussé chemin pour réentrer dans la grotte. Les insectes ne semblaient pas vouloir le laisser partir. Les amis qui l'accompagnaient lui ont crié de courir pour échapper aux insectes, mais il n'a pas réussi. Une fois à l'intérieur, les insectes ont instantanément disparu. Donc, on ne sait pas trop là, ce qui en est arrivé avec les suites de cet homme. J'espère qu'il s'en est sorti. Vous n'aimez pas les maths? Alors, je vous envoie ici une astuce étonnante pour faire vos multiplications. Donc, vous avez du mal avec les tables de multiplication. Pas de panique, il existe une méthode japonaise qui peut vous simplifier le travail au cas où vous n'auriez pas de calculette à portée de main. Il suffit de tracer les lignes parallèles et de compter les intersections. Une méthode visuelle que les jeunes japonais apprennent dès leur plus jeune âge. La vidéo est en anglais, mais même si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue de Shakespeare, vous devriez comprendre juste avec les images. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment de... Attends, là, on va regarder. Lui, il fait 21 fois 13 égale. Là, il cherche. Il va faire quoi? Il va prendre les dizaines. Il va mettre deux lignes. Le 1, il va mettre une autre ligne plus loin. Il va prendre le 13, c'est les dizaines, une ligne, et trois petites lignes un peu plus loin. OK? Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va compter tout simplement les intersections où elles se regroupent, ces lignes. Ça fait un genre de petit quadrilatère, un petit, comme un tic-tac-toe. Donc, on a trois lignes d'un côté, trois places où ça se rejoint. OK, on a compris. Bon, là, ici, on en a 6. Et là, on a 7. OK. 27, 3, OK. Oh, wow! Donc, ça nous donne la réponse. Vraiment extraordinaire. Allez voir ça. Ouais, c'est comme ça, comme je vous explique. C'est pas très clair, mais j'avoue que moi, je l'ai fait sans aucun son et puis on comprend ce qu'on en fait. C'est de faire des lignes toutes par ordre où elles sont, donc la ligne des centaines, des dizaines et des unités, et puis de les faire se recroiser avec l'autre chiffre qu'on a à faire se recroiser. Là, comme là, il a fait la multiplication 123 fois 321. Et puis encore là, il va encore nous aller compter les intersections de chaque. Et comme les intersections des centaines vont avec les intersections de centaines, les intersections de dizaines avec celles de dizaines et les unités avec les unités. Comme j'ai dit tantôt, ça semble compliqué, mais c'est d'une simplicité enfantine si vous voyez le vidéo. Bonne astuce, je vais la tester quand j'aurai le temps. Et puis effectivement, quand on n'est pas très bon en multiplication, ça peut peut-être servir. Quoique, hein, on peut faire une bonne vieille multiplication, là, tout simple, avec une bonne feuille de papier. C'est plus, en tout cas, c'est quand même un petit truc, peut-être pour des trucs un peu plus complexes ou je sais pas. Allez voir ça si ça vous intéresse. Il y a une Ghanéenne qui crée des vélos en bambou écologique et durable. Et en plus, ils sont magnifiques, ces bambous, oui, ces vélos. Donc au Ghana, une toute nouvelle bicyclette vient de faire son apparition sur le marché local et elle a de quoi inspirer. L'armature est entièrement constituée de bambou. C'est un vélo écologique fait de bambou qui est le projet fou de cette jeune Ghanéenne, Bernice Dapa. Elle présentera son projet pour la première fois dans le cadre du Clinton Global Initiative University, un concours international rassemblant des étudiants et des universitaires autour de projets durables, écologiques et favorisant la paix dans le monde. De par son intérêt écologique évident, son concept ne cesse d'inspirer, remportant plusieurs prix et concours. Grâce à cette notoriété fraîchement acquise, Bernice va fonder le Ghana Bamboo Bike au Ghana. L'objectif, permettre aux Ghanéens d'acheter leur vélo écologique localement pour éviter l'importation, réduisant ainsi l'impact écologique et créant aussi, bien sûr, de l'activité locale, l'activité économique. En pratique, eh bien, les branches de bambou sont ramassées sur place, qui nécessite de la main-d'œuvre et crée donc des emplois à caractère positif, principalement à destination des femmes qui souffrent particulièrement de la pauvreté dans cette région. Ainsi, la naissance de la compagnie Ghana Bamboo Bike a permis la création de 35 emplois en milieu rural. On peut aussi noter la faible consommation d'énergie grâce à un ensemble réalisé manuellement avec seulement quelques outils comme une perceuse. Enfin, l'utilisation de ce matériau inhabituel favorise le développement durable grâce à une plante dont la photosynthèse rejette 30% d'oxygène de plus que la plupart des autres végétaux, tout en ayant des capacités intéressantes pour le cyclisme. Et là, je regarde comment tout est joint ensemble. Vraiment, c'est vraiment bien fait. C'est quoi? C'est une résine? Je ne sais pas. On va aller voir. Ces vélos n'ont pas besoin d'être remplacés tout le temps. Il faut les réparer. Les matériaux, les outils et les compétences sont sur place. C'est ce qu'explique la fondatrice de Ghana Bamboo Bike, insistant sur la robustesse de ces vélos. Et en effet, ce qui prime dans la logique de développement durable, c'est précisément la durabilité à l'opposition de l'obsolescence. Vous pensez que le confort va en être affecté? Détrompez-vous. bien que plus souple que le carbone utilisé chez les professionnels, le bambou, oui, offre des propriétés amortissantes plus que satisfaisantes. Cette souplesse naturelle est d'autant plus utile que beaucoup de routes au Ghana sont accidentées. L'asphalte est assez rare, hein, et le ciment aussi. L'entreprise ghanéenne estampille son vélo de tout terrain et précise qu'on peut l'utiliser pour un niveau sportif ou même un usage quotidien. Bien sûr, seules les armatures et les pièces en métal sont recyclables, mais c'est déjà un très gros changement par rapport à la plupart des vélos conventionnels. La Ghanéenne n'est évidemment pas la seule à produire des vélos en bambou. Le concept semble se développer dans de nombreux pays alors que la demande en alternatives écologiques, même en matière de cyclisme, augmente chaque année. Et vous, seriez-vous prêt à investir dans un vélo durable? Ben moi, en tout cas, à voir la beauté de ces vélos, je trouve ça magnifique. Vélo made in Ghana en bambou. Sont magnifiques. Sérieusement, les cadres de ces vélos sont ornés de peinture aussi, de la culture justement sûrement ghanéenne, et ça donne de très beaux résultats. Allez voir ça si ça vous intéresse via la page Facebook du Dîner de cons. Et puis, tiens donc, on va se faire une petite nouvelle, une petite fausse nouvelle, ça serait intéressant ça, hein? Ben oui, une petite fausse nouvelle, elle se suicide après avoir manqué un épisode de La Voix. Longueuil, une jeune femme est décédée de façon tragique hier après être restée coincée sur la route 132 lors d'un bris mécanique de sa voiture. Elle aurait décidé de s'enlever la vie quelques heures plus tard. Jeanne Labelle, âgée de 21 ans, aurait été amenée à l'urgence de l'hôpital Pierre Boucher vers 23h avant de succomber à des blessures qu'elle se serait elle-même infligée. Une grande fan de l'émission La Voix qu'elle écoutait religieusement chaque semaine, elle n'aurait pas apprécié avoir manqué l'épisode de dimanche soir alors qu'elle attendait sur le bord de la route 132 pendant que son auto était tombée en panne. La jeune femme aurait fait part de sa détresse sur son compte Facebook quelques moments avant de s'enlever la vie. Eh bien oui, je le cite, cette dame, « Mon estitercelle m'a encore lâché, puis là j'ai manqué la finale des sélections de La Voix. » C'est ce qu'elle a écrit sur Facebook. « J'en ai assez. » Ça, c'était la goutte qui fait déborder le vase. Je n'en peux plus. La vie s'acharne contre moi, a-t-elle lancé visiblement en détresse. La jeune femme serait morte de façon tragique alors qu'elle se serait assanée elle-même une vingtaine de coups de marteau au visage et elle aurait tenté de se couper les veines avec une épluche patate sans succès avant de se jeter du troisième étage de son appartement où elle sera retrouvée quelques instants plus tard par les ambulanciers. OK, mais je pensais qu'elle s'était suicidée dans son char. Et en tout cas, c'était une fausse nouvelle du Journal de Montréal. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Et à ma gauche. Ta gauche, ma... droite. Ben, comme diagonale, à une heure, mettons. Ouais. Environ. Mettons. Environ. Malheureusement, on n'a pas une heure avec elle, on a seulement une petite demi-heure, parce qu'elle est tout le temps bien, bien pressée dans la vie. C'est Justine Renaud, que voici avec Justine Pertine. Bon matin. Je pense qu'on est tous en manque de doudou. Non, je pense que oui. Hein. Je suis tellement en manque de doudou en ce moment. Je me suis réveillée un matin, j'étais comme, mon Dieu, non, que je veux dormir pendant les 10 prochaines années, s'il vous plaît. Ah, mais, je suis d'accord. Quelle position est-ce que tu utilisais pour... T'as le doigt comme engourdi. Ah oui, je comprends. Je me demandais où est-ce que ça en allait. Des fois, j'ai le bras engourdi quand je m'endors sur mon bras, mettons. Oui. Ça peut arriver le matin, tu fais comme t'as mal au bras, mais là, t'as juste mis un doigt quelque part dans ta bouche. Fouille-moi, sérieusement, je sais pas, mais ça m'arrive à peu près à chaque nuit que je me réveille, puis j'ai comme la moitié du corps... OK. Oui. Engourdi? Oui, engourdi. Non, pas la moitié du corps, mais disons facilement les deux bras. Disons que je suis couchée sur le ventre et que j'allonge mes deux bras par-dessus ma tête, par-dessus l'oreiller. Ça fait en sorte qu'il y a comme vraiment moins de circulation. T'as bien des affaires, que ce soit influx nerveux ou circulation sanguine. Puis je me réveille comme à moitié engourdi. Puis je me dis que ça serait là, si j'avais à me faire amputer, que ce serait le meilleur moment de ma journée. Oui. Parce que ça m'arrive pas souvent de me faire amputer. Si jamais ça t'arrive, appelle-nous. Te faire amputer par de tes membres engourdis par un animal, parce que c'est comme l'animal va faire nom nom nom, c'est comme nom comme quand t'es engourdi. Nom nom nom, nom nom nom. Nom, nom, nom. Donc, Justine, aujourd'hui, tu te prends pour une terroriste. Ben oui, c'est. En fait, j'y ai pas tant de penser à moi. Too soon! Je suis désolée. Ah, que je viens de me rendre compte que mon sujet était absolument inapproprié. Oui, mais on va le faire pareil parce que c'est à peu près la seule affaire que j'ai préparée un matin, à part mon café. On va parler d'explosion. Nos pauvres réfugiés, puis là, tu t'arrives leur première semaine à Trois-Rivières, puis tu leur parles d'explosion pour les remettre dans leur environnement. C'est ça que tu fais, hein? Elle voulait pas trop les dépiller. C'est ça! Je peux leur expliquer comment ça marche, comme ça ils vont avoir un peu moins peur, tu sais. Ah, parce que ben ça va pas bien, ça va pas bien là-bas. Mais non. C'est triste. Ouais. Non, mais de tous les côtés de la médaille, il y a pas un côté qui chaîne plus que l'autre. Là. C'est tout. On va se le dire, c'est toute la merde. Là. C'est vraiment triste ce qui se passe. Donc, on va aller à des choses un petit peu plus drôles. On va parler d'explosion. Si t'es bien rattrapé. Il parle de gaz. Ouais, c'est ça. Ah, mm-hmm. Oh, des jokes de pète. On va faire des jokes de pète. Ben, pas tant. Non. Ben, quoi qu'il y ait une. Non. Pour un pète juste... n'est pas une explosion. Je vous le dis tout de suite. Ah. Ah. Hmm? Mais tu diras ça à mes fesses, non, c'est pas vrai. On va parler d'autres choses qui explosent, là, oui. Parce que des pets, là, c'est un peu borderline. Là. Ça a une personnalité borderline en termes d'explosion. Parce que franchement, on a tous un petit gamin en nous qui adore regarder des choses pognées en feu ou faire beaucoup de bruit, donc regarder TVA. Puis je parle pas non plus de manifestations étudiantes. Là aussi, il y a beaucoup d'explosions et on n'en parlera pas non plus. C'est toutes des affaires vraiment touchées. Faut que j'arrête de parler. On va parler de la science derrière la chose un peu. Puis là, ça va désescalader mon affaire. Ça va désamorcer. Désamorcer. Oh! Hey boy, hein? Désescalader, c'est pas un mot ça. Désescalader, non, je ne crois pas. C'est pas quand tu descends le mur là, chez Adrénergie, là, tu désescalades. Non, d'accord. Possiblement. Bon. On peut déjà faire une. On va faire du rappel. Ah, c'est ça, c'est du rappel. On va faire du rappel. On va faire du rappel, c'est comme chez l'Empel, ça. Excuse-moi. On est retourné au flatulence. Ouais, c'est ça. On peut déjà faire là, une déduction rapide là, quant aux explosions par la manière dont les stuntmen en revolent dans les films qu'une explosion implique un relâchement d'énergie. Hein? Et intuitivement, vous pourriez même être tenté d'affirmer qu'il s'agit d'un phénomène accompagné d'une expansion très, très, très, très, très rapide du volume d'une chose. Eh bien, 10 points pour votre intuition parce que c'est en plein ça. Souvent, l'accroissement de volume est le résultat du relâchement de gaz et l'énergie produite est sous forme de chaleur extrême. Donc, ça se peut, Mathieu, que tes flatulences soient des explosions, finalement. Sous les draps, ça a l'air chouette. Non, c'est pas vrai. C'est des blagues, c'est pas vrai. On rappelle aux filles qui ont des freckles. Je l'ai pas pogné. Ça vous tente pas encore? Il fallait être là dans la précédente chronique. Je suis attiré par les filles qui ont des taches de rousseur. Ils pètent plus? Non. Mais non, mais là, j'essaie de les attirer. C'est ça, mais là, à part ce message aux filles qui pourraient être attirées par ma voix sensuelle de radio, qui ont des fréquences, qui seraient tentées de venir au studio. Le Tania a dit que je pète au lit, c'est ça? Ben, c'est ce que toi, tu viens de dire. Moi, j'ai absolument rien insinué. Oh. C'est toi qui viens de le dire mot pour mot. Elle a rien incinéré. Non. Incinéré. Fait qu'il existe deux grands types d'explosions, à part les pètes à Mathieu. Le premier étant l'explosion supersonique. Ça sonne bien, j'adore ça. Ben oui. Ça, c'est quand le front de l'explosion, là, je parle pas du front d'en face, là, vraiment le front, là, le début de l'explosion, parce que ça se propage un peu comme du chien-dent ou ben la syphilis à Johnny Depp. Ça se déplace. Place plus vite que le son. Tellement vite même que ça crée une onde de choc. Une onde de choc, c'est pas une émission à TVA non plus. C'est simplement une vague puissante qui arrive brusquement, sans intermédiaire, sans demi-mesure. C'est vraiment là... Une vague puissante et puérile et puante. C'est comme tu peux pas vraiment survivre. Ben, tu peux, mais sauf que tu vas le sentir. OK. Le lendemain matin. C'est ça. Bref, le stuntman là, dans le film, là, quand il revole, là, c'est dû à l'onde de choc. Okay. Tu sais, comme ça a de l'air tout petit là, comme explosion, là, mais Bruce Willis, il a revolé pour une raison. C'était parce qu'il y avait une onde de choc. Okay. Dans l'explosion supersonique, on a la classique explosion au loin, là, ta voix. Là. Mmh. Puis après ça, le bang qui vient après. Je fais mes effets sonores, ça coûte moins c'est cher. Hein, ouais. Puis ce type d'explosion s'appelle la détonation. À l'inverse, le deuxième type d'explosion ne crée pas d'onde de choc. Le front d'explosion est à plus lent. Oui, c'est un front qui est plus lent que la vitesse du son. Il s'agit d'explosions qui sont donc plus petites et qu'on a d'ailleurs nommées déflagrations. Oh, des petites déflagrations. Des petites déflagrations. Des explosions, il y en a partout dans notre vie et de toutes sortes, sous les couvertes de Mathieu. Aïe! Dans le moteur des autos, motos, bus, ZZ, où le combustible, l'essence, hein, il prend feu et prend de l'expansion pour faire bouger enfin les pistons des cylindres et générer un travail mécanique. C'est comme ça qu'on avance le matin. Quand dans le trafic, on n'avance pas le matin. Il y a des explosions dans la nature. Les volcans en éruption sont d'ailleurs le théâtre de plusieurs explosions lorsque le magma parvient à la surface de la Terre où la pression est pas mal moins grande que le centre de la Terre. Et donc, les gaz qui sont trappés dans le magma vont prendre de l'expansion rapidement à une forme plus lente d'explosion, plus une déflagration hein, dans ce cas-là. Et dans le ciel, à chaque nuit, il y a des astres qui explosent, des étoiles, ça pue, ça pète, des poches de gaz. Bon, on les voit pas toutes, mais c'est dans l'espace, les explosions sont une habitude très, très, très, très, très courante. On connaît les supernovas, qui sont d'ailleurs parfois des explosions et parfois des implosions. Ça dépend, il y a des types 1, des types 2. C'est comme le diabète, il y en a pour toutes les... il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi l'impopulaire bombe atomique qui fait appel à des mécanismes de fission nucléaire. Hein, ça, c'est quand on prend là, le cœur de l'atome là, et qu'on le brise en deux morceaux. Ça crée énormément, énormément d'énergie. C'est excessivement violent comme explosion et c'est parmi les plus puissantes explosions que la Terre a jamais connues. On se souvient Hiroshima et le nuage en forme de champignon. Et parmi les moins puissantes explosions comparatives, il y a l'explosion du popcorn dans notre four micro-ondes. Quand l'eau piégée dans les grains de maïs se réchauffe, crée une augmentation de pression à l'intérieur de la coquille dure, s'ensuit une douce explosion à l'odeur de beurre. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais oui, c'est comme ça. C'est vraiment juste l'eau qui est trappée à l'intérieur des grains de maïs qui ont été séchés et donc qui ont durci énormément. Puis là, ça s'accumule de la pression parce que, évidemment, l'eau, quand ça chauffe, ça devient de la vapeur, puis c'était pas bon. Hein? Bref, on est entouré d'explosions. Wow. Hey, je suis vraiment hot pour expliquer à matin. Je me sens comme Bill Nye, the Science Guy. Hein? Ça fait très longtemps qu'on utilise les explosifs pour ce fait. Vous le connaissez pas. Ou je le connais, voyons. Bill Nye. C'est clair que Mathieu le connaît, moi. Bill Nye. Non. Avec son nœud papillon. Oui, il a un nœud papillon. Il est gentil. Hein? Puis lui, il nous aurait probablement dit que les explosifs, là, ça fait longtemps à Tabarnouche qu'on connaît ça. Hein? Mais. Justine, tu nous apprends rien, dirait-il. Ouais. En anglais, probablement. Justine, you know, is a friend, lui. Hein? Mais il est tellement intelligent qu'il parle sûrement toutes les langues du monde. Ah, oh, ben évidemment, c'est clair. Que dire de plus? C'est-tu ton idole? Non, mais je l'aime bien. Je le trouve intelligent. D'accord. Oui. Bill Nye, paraît-il que c'est un homme. Et les hommes, ça, c'est vrai. Ils ont créé bien des affaires dans la vie, dont les explosifs chimiques. Et ça, c'est le début d'une ère joyeuse et triste à la fois parce que ça a servi beaucoup, beaucoup pour la civilisation. Il y a plein de belles choses qui ont été faites avec les explosifs, mais aussi des choses très, très, très, très, très, très tragiques. J'ai parlé d'Hiroshima, là, mais il y a toutes sortes d'autres choses dans les cadres d'une guerre, à l'extérieur d'une guerre, toutes sortes d'accidents vraiment tristes qui se sont produits. Et tout ça, ça a commencé par les maudits. On va pas dire les maudits. Les collines de Chinois. Ah? Au 9e siècle. C'est eux autres, je vous le jure. Non, mais tous les Chinois depuis sont tous coupables de ça. Ils sont coupables de la poudre à canon. Et oui, c'est eux qui ont inventé la poudre à canon. Tu sais, quand t'avais comme ton espèce de on peut appeler ça un fusil, j'imagine. Je connais pas mes types d'armes à feu. Donc, on a l'arme à feu, puis là, on met la petite poudre dedans, puis là, on a une espèce de bâton. Puis là, ça prend à peu près 10 heures préparer son fusil pour finalement... Le gars, il est juste à côté de toi, il tue avec un couteau. Mais bon, c'est rendu au point où ce que tu peux avoir une explosion et faire revoler une balle en plomb dans la tête de quelqu'un. C'est pas des carabines à plomb, ça? Peut-être. Je sais pas. Hein? Tout ce que je sais, c'est que la poudre à canon, ça fait hyper longtemps qu'on connaît, mais c'était quand même assez dangereux. Il fallait manier cette chose-là avec beaucoup de précautions. C'était fait à base de toutes sortes de produits chimiques. Mais c'est en 1800, dans les années 1800, qu'il y a un monsieur qui a inventé la nitrocellulose, Frédéric Augustus Abel. La nitrocellulose qui est hyper explosive, mais tellement explosive même que c'est vraiment difficile de l'entreposer sans que ça explose tout seul. Oh, mon Dieu! Vient donc un autre monsieur qui a un nom quasiment pareil. Là, c'est Alfred Nobel. Vous connaissez probablement son Abel nom. Abel Nobel, oui, j'avoue. Alfred Nobel, qui a donné son nom au prix Nobel, d'ailleurs. C'est lui qui a inventé la dynamite en 1866. C'est grâce à lui qu'on a Roadrunner. Ben oui, toutes les gags de notre... Non. On va démystifier un mythe. On va désescalader un mur chez Adrénergie, qui est mon sponsor aujourd'hui. Ouais, c'est ça. combien d'argent ils nous envoient aujourd'hui, les autres? Je sais, 2 piastres. On va acheter un café. Donc, la dynamite n'est pas la TNT que l'on voit dans les dessins animés, okay. Puisque ça vient du Acme, puis c'est TNT, le trinitrotoluène. C'est pas de la dynamite. Okay. La dynamite, c'est vraiment fait à partir là, de nitroglycérine. TNT, c'est fait de la trinitrotoluène. Donc, OK. Ah, ça a les mêmes groupements nitro, mais c'est pas pas tout la même affaire. La TNT, d'ailleurs, est pas mal moins explosive, à peu près... Bon, pas mal moins, je disais pas mal moins, mais à peu près deux fois moins explosive, d'ailleurs, que la... Que la dynamite. Mais c'est pour ça qu'ils s'en servent de la TNT dans les dessins animés, comme ça, ils peuvent juste noircir la face du personnage puis ils sont pas vraiment morts. Peut-être, ça se peut. Mais c'est que c'est devenu très populaire aussi, la TNT. Hey, j'arrête pas de me mélanger entre les deux. Le trinitrotoluène est devenu un explosif populaire, étant donné qu'il était comme. Tu sais, on pouvait l'utiliser à plus. Genre un essaim moins violent, je sais pas. J'imagine que peut-être que dans l'ancien temps, on pouvait mettre la main dessus. Mettre la main dessus sans la faire détonner. Et donc, c'est ça. Mais on en était à notre monsieur Alfred Nobel qui l'a inventé, lui, en 1866, la dynamite. Il a mis plein de brevets là-dessus. Il est devenu archi-riche. Et à la fin de sa vie, il s'est fait sauter. Non, il n'est pas mort. Ça aurait été vraiment ironique qu'il soit mort demain. Mais en fait, il a été expulsé de la France pour une espèce de... Comment on appelle ça? Treason? Trahison. Extrême. Genre trahison vraiment importante parce que lui, pendant ce temps-là, c'était un bout, je sais pas quoi, là, c'était juste avant, un peu avant la Première Guerre et ça l'allait pas bien, puis il commençait à vendre des explosifs à l'Italie. Fait qu'en tout cas, bref, il a été comme chassé de la France pour trahison du plus haut ordre. Wow. Et lui, Nobel, ça? Oui, Nobel. Mais ben, il a quand même mis un prix à son nom. Oui, c'est ça. Mais non, mais il y a une histoire derrière le prix Nobel, justement, c'est que il y a une publication erronée par un journal français d'une nécrologie prématurée qui a condamné son invention de la dynamite. Okay? Fait que là, il pensait qu'il était mort, il n'était pas vraiment mort. Fait qu'il a lu ça. C'est en 1888, une vingtaine d'années après. Et la nécrologie affirmait « Le marchand de la mort est mort. » Le marchand de la mort. Je vous le jure. C'est cute quand même. C'est cute. Là. Il était capable de faire des jeux de mots dans le temps. Ouais. Et Alfred Nobel, il était comme un peu tout triste à ça. Fait qu'il a mis au final dans son testament un legs où ce qui donnait intégralement sa fortune pour la création du prix Nobel. C'est lui-même qui a donné tout son cash, tout son petit change. Okay, il était archi riche. Là, 125 millions, l'équivalent de 125 millions d'euros dans le temps, ce qui est énorme. Et il a décidé de donner tout son argent à ce fonds-là à chaque année des personnes ayant rendu service à l'humanité permettant une amélioration ou un progrès considérable dans une des cinq disciplines différentes. La paix, diplomatie, littérature, chimie, médecine et physique. Et c'est encore ainsi de même aujourd'hui. C'est très bien, oui. Oui, fait que on a mais ce monsieur-là, là, sérieux, il a été tellement prolifique là, des brevets, là, il en a fabriqué tellement. Il a fait de brevets qui s'abreuvaient de brevets. Il buvait des. Ben oui. Tania est en train de bailler, j'attendais sa réaction. On est jeudi. Ben oui. Fait que c'est ça. Encore aujourd'hui, là, la dynamite est d'usage, mais c'est sûr que c'est des formulations un peu différentes, puis on le voit pas nécessairement en bâton de dynamite comme dans les... Ah oui! OK, ben Mathieu, la TNT, là, puis la dynamite, les deux vont se retrouver dans les cartoons avec Wild E. Coyote. Mais c'est tout le temps marqué TNT dessus, non? Oui, mais bien souvent. Les bâtons rouges, les espèces de bâtons, les tiges de dynamite, ça, c'est vraiment de la dynamite. OK. C'est vraiment carrément comme ça. C'est de la nitroglycérine mélangé avec deux parts de terre de diatomée, puis c'est pour ça que ça devient plus stable. C'est pour ça que c'est hyper explosif, mais c'est hyper stable. Faut que tu allumes la mèche pour que ça l'explose d'ailleurs. Et l'autre, c'est la boîte de la bois. La fameuse boîte avec, de même. Le T dessus que tu pousses vers l'intérieur, non? Ils appellent ça en anglais un blasting cap ou parfois ils appellent ça un détonateur aussi. Ça dépend de comment qui est fabriqué. J'ai l'air d'être comme beaucoup trop vraiment connaisseuse parce que je lis pas mes notes en ce moment. Là. T'étais dans l'armée avant. Ça n'a aucun rapport. Nous autres, on était avec des carabines à air comprimé. On s'entendait que t'es pas plus sérieux. Je pense que t'en reçois un dans l'œil et t'es même pas aveugle. Pas les cadets, comment t'appelles ça? Les cadets. J'avais trouvé le nom. Les cadets de l'air. Parce qu'on sait pas c'est quelle agence secrète. Puis ça spécificité. Ouais. C'est les explosifs. Fait que là, j'ai une agente secrète, Justine, et une fausse russe. Tania Baudin. Ouais. Les gens pensent qu'elle est russe des fois. Ouais. Ah, sérieux? Dis-je beaucoup trop loin de mon micro? Mais c'est vrai que t'as un look de russe. T'es comme genre, tu sais, comme l'espèce de beauté des russes avec les espèces de yeux pâles, mais comme les traits, comme genre un peu. Plus de pas méchant, mais non. Non, les yeux en chat. Les yeux en chat un peu. Ben, allez voir sa page. Elle est tellement vedette que sa page pour les fans que vous pouvez liker. Il dit ça à chaque fois qu'il plug, genre. Ben, elle aussi. Tania Baudin. Tania Baudin. C'est ça. Avec un Y. Oui, et un E-A-U. Oui. À Baudin, pas à Tania. À Baudin. E-A-U. Mon Dieu, t'as pas Fanny à Baudin? Non, mais ah, c'est un petit. Ah, il fallait pas que je dise ça. Pourquoi tu dises comment l'appeler? Non. Sinon, les gens vont la trouver. Ah, c'est ça, c'est la version anglophone personnelle. Et qui est pas subtile, juste ça. Oh mon Dieu, que j'ai de la misère à lire entre les lignes de des affaires. Je suis désolée. C'est pas grave. Non, elle vient de faire exploser ma nouvelle. Oh shit. Fait que, écoutez, je pourrais en parler longtemps, des explosifs. On aimerait ça. Pour arrêter de patiner. Mais on peut tout de suite aller en chanson pendant qu'on m'explique les dessous de la vie. Comment ça marche, les insights, puis les cheats, puis les... Tu nous as pris par surprise. Je... Oui, je pensais que... plus qu'elle allait. C'est comme si c'était arrivé avec un cocombe derrière un chat. Avez-vous vu la version? Oui. Ah. Non, il y a une autre version. Il y a une version où c'est avec des scientifiques, genre des gens comme moi là, qui sont dans le cerveau. Mais attends un peu, c'est parce que les scientifiques devraient savoir qu'il ne faut pas faire ça à un chat parce que ça va le traumatiser à vie puis il va être traumatisé d'aller manger après. Les scientifiques ne devraient pas faire ça. Les scientifiques sont ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas le faire. Non, mais elle a traumatisé de manger des quoi? Elle a des concombres. Faut pas mettre un concombre dans le dos d'un chat parce qu'il va penser que c'est un serpent. Il va faire super. C'est pour ça qu'il ne crime pas. Puis il saute dans les airs, ben, c'est toute théorie. Comment tu sais? Tu l'as demandé à ça marche avec les lesbiennes aussi. Faut pas avec un chapeau dans Montréal. Je l'ai essayé un moment donné, une soirée à Montréal. Ouais. Ça a pas fonctionné. Ça fait des émeutes. Mais bref, la seule raison que je parlais de chat et de cocombe qui font sursauter le chat, c'est parce que je voulais insérer mon gag, ça fait 3 semaines, qui est écrit sur ma feuille de jeu de mots inséré. Que j'étais l'homme qui tirait plus vite qu'un cocombe. Oh. Ben oui, c'est vrai, parce que... Ouais. Ben c'est ça. J'ai une note à l'avance des fois quand il y en a des tellement bons gags. Oui. C'est comme un gag. C'est juste un bon. C'est très bon, mais fais la série plus subtilement, comme un cocombe dans une lesbienne. Oh! Hein? Oh, j'ai dit ça? Ça vient d'être dit. Je me rappelle pas de. Ouais. Je suis bouche bée. Es-tu des règles non écrites de ce que t'as pas le droit de dire, genre ça? Ça n'est pas. C'est pas dans le guide de l'animateur de pas dire cette phrase-là spécifiquement avec. Hein? C'est comme les U-turns, c'est pas marqué. Tu peux le faire. Oh! Ben d'accord. Donc, des chansons à thématique explosion. J'ai trouvé que j'en avais pas tant que ça dans ma playlist. Mais ça, t'en avais juste besoin de 3. Ben oui. Mais la première, je suis convaincue que vous allez l'adorer. C'est notre petite nouvelle. Ouais, mais non, mais ça, c'était de la TNT. Ah oui, je voulais pas mettre ça. Je voulais pas. Je parlais surtout de dynamite. Fait que je voulais pas mettre ça pour pas confuser les gens. Du verbe confusionner. On va écouter tout de suite La Bronze. Oh, ah, non! Petite nouvelle de la scène québécoise, je l'adore. Notre chanson préférée à Tantan et moi. Explose-moi. Ah, c'est celle-là qu'on va entendre. Drella, juste pour toi. Ah, oh, vous êtes dans bien fin. Tu peux mettre ça, là. Tu présentes pas les autres, d'habitude? Non, je présente pas les autres, okay, mon petit cocombe. Ça va, mais c'est... petit cocombe. Hey, juge pas la grandeur. Petit concombre. Petit concombre. À Mathieu. Pas sur les ondes de C'est fou. Faut couper le bout, puis... T'enlèves le petit blanc. Pour pas que ça soit trop amer. J'aurais voulu être celle qui porte la couronne de ton royaume. J'aurais voulu être celle pour qui t'as inventé des mots. J'aurais voulu être celle à qui le cœur plein d'eau, tu dis je t'aime trop. I agree.

te faire un jeu de mots avec TNT puis Taint. Taint, c'est l'endroit dans l'entrejambe entre la nu. Hein? Et hein? Le devant du Taint. T-I-N-T, comment? Taint. Taint. On dirait que j'ai le goût de googler pour savoir de quoi tu parles, mais j'ai vraiment pas le goût de googler. Vous êtes deux anglophones, vous connaissez pas le mot taint. Ben là, T-I-N-T. T-I-N-T. Puis tu parles de fourche, là, c'est quoi? C'est ben genre, là, ouais. The taint? Il y a une définition de, pour ça. J'ai cherché la définition de taint. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Change de page! Oh my God! Je suis mal à l'aise. C'est quoi la définition? Ben c'est ça, les images. Hey, j'ai-tu bien défini? J'ai bien ben défini. Oui, hey, c'est même dans le Urban Dictionary. Oh yeah! Et la définition anglophone, c'est « The area between the nutsack and asshole that prevents a man from shitting on his mouth. » Tu sais, je l'avais exactement dit comme ça, mais sans... Si Durf. Ouais. Si Durf? Durf. C'est puis pas le chanteur de Fred Durf? Je tiens à dire que pour être certaine, j'ai fait Google Images tantôt et c'est pour ça que Justin me demande. Il fallait que Safe Search soit allumé. J'avais un peu mal au cœur. Allume Safe Search. Mais oui. On a entendu trois pièces dans ce bloc sur trois les explosions. Pièces. La première étant Explose-moi de La Bronze. Oui, on aimait ça. Oh my God. Ensuite, Implosionatic de Hot Hot Heat. Oh et finalement, Explode. Implosionatic, vous m'avez démasqué. Et oui, ça parle pas d'explosion, ça parle d'implosion. Et d'ailleurs, c'est quoi la différence entre une explosion et une implosion? Demandons à la personne scientifique du local. L'explosion, ça sort. L'implosion, ça rentre. C'est ça. Fait qu'on fait l'amour, ça rentre, ça sort. Explode, implode. Explode, implode. Tink! Oh my God! Et voilà, mais oui, c'est ça, l'implosion peut être accompagnée d'une explosion. Par contre, on sait souvent qu'il y a comme une phase d'implosion à la perte de gravité d'une étoile dans le ciel, par exemple. L'étoile vient au point où ce qu'elle n'est plus capable de faire de fusion nucléaire, je pense, ou de la fission. En tout cas, il me semble que c'est de la fusion. À un point tel qu'elle perd de la masse au centre de son étoile, de son être. Elle perd de la masse et l'étoile va faire un processus d'implosion puis explosion, dépendamment du type de mort de l'étoile. Mmh. Parce que parfois, c'est vraiment juste une implosion. Et je pense que si la masse est suffisamment grande, il y a une implosion et il y a trou noir. Ah, mon Dieu. Taint. Oui, j'allais le dire. J'allais, ouais. Fais pas. Fait que c'est ça. Fait que parfois, l'implosion est accompagnée d'une explosion. Des fois, les explosions, ils arrivent seuls, pas accompagnés, même s'il y avait un plus un. Ils ont dit qu'ils arriveraient avec quelqu'un, finalement, ils sont tout seuls. RSVP, avec le chicken. RSVP, tout seul, ouais. Mm-hmm. Puis non, c'est ça. Une implosion, là, c'est vraiment quand il y a, habituellement, c'est qu'il y a perte de densité au milieu. Il y a quelque chose qui se passe. Comme un sous-marin, on va dire qu'il implose sous l'eau lorsque la pression à l'extérieur de la cabine est trop grande et que, ben, le sous-marin, ben, il renfonce par en dedans. Tu sais, genre un sous-marin canadien, quelque chose du genre. Le sous-marin canadien, il n'y a pas pogné, il y a pas pris feu sous l'eau à la place, lui. C'est pas celui avec du bacon de dos, fort. Ça? Ah, c'est ça. Ils ont trop mis de bacon à cuire en même temps, puis là, le sous-marin explosé. Hey, j'écoutais des Epic Meal Times cette semaine au sujet des versions des Canadiens, des trucs de type canadien avec plein de sirop d'érable, puis ça m'a donné faim. Je voulais juste vous partager ça, que je suis vraiment en retard, moi, dans les trends de YouTube, mais Epic Meal Time, le Angry French Canadian, il y avait de l'air bon en tabarnouche. Ouais. Hey, t'as parlé de trou noir tantôt, ton foulard te donne l'impression d'avoir une tête qui sort de trou noir. C'est ma mère qui l'a fait. Elle a un foulard noir autour c'est de la tête. C'est un snood. Un snood? Un scarf avec un hood. Ah oh, non, il n'est pas assez long pour être un snood. Il faudrait qu'il y ait comme un cordon, quelque chose. C'est vraiment comme communément appelé lorsqu'on avait 8 ans, un cache. C'est ça, un cache-cou. Ou sinon, je trouve que ça ressemble... ça ressemble, tu sais, là... tu sais, le fruit... C'est un cache-cou! C'est ça, un cache-cou. Mais, tu sais, le fruit de mer en rondelle... Le fruit... Genre un bout de calmar? Un calmar, ça ressemble à un calmar. Un calmar, là, c'est... J'essaie de l'imager aux gens, tu sais. Un calmar, c'est pas un cylindre. Non, c'est l'animal en tant que tel, pas un cylindre. Blou, blou, blou, blou. Je suis un cylindre, blou, blou, je suis un calmar, blou, blou. Ça va pas bien, j'ai du matin. Il y en a que oui, là. Il y en a que oui, là. Il y en a qui sont blou-blou. Non, mais c'est pas des calmars. Ça existe de la, des animaux qui ne sont qu'un cylindre. Ah, genre, ben, super. Qui ont une bouche anus. Et rendu là, le teint, je sais pas, il est où. Ouais, je sais plus, là. Hey, notre émission à matin, là, ça te va? Je promets de faire une émission un jour sur les animaux à bouche anus. Justine. Les pieuvres n'en sont pas. Teint incroyable. Oh! Oh my God! Les aventures de Tintin au Tibet. Où ça? Comment? Ah! Au bout du monde. Mais est-ce qu'on peut, on peut pas mettre un meilleur moment de 2 minutes dans, les, dans la, la chronique? Ben non. Mais non. Il va falloir prendre les meilleurs bouts de ça. Ça, ça va devenir un meilleur moment de l'année. C'est ça? L'anus Dei. Attends, c'est quoi dans ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'était très drôle, ça. Pour vrai, c'était très, très drôle. Je comprends pas la joke. C'est comme Agnus Dei, mais Anus Dei. Non, mais Anus Dei, ça veut dire quoi? Il n'y a pas la reine qui a déjà dit ça un moment donné. Anus Dei, excusez. Et il y a aussi, attends un peu, là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec ça? Il y a aussi... Mais oui, mais Anus... I Pluribus Anus, qui est le slogan de l'école communautaire dans la série de télé Community. Leur slogan, sans faire exprès, c'est une joke, mais c'est I Pluribus Anus. Wow. T'as-tu trouvé ce que tu cherchais pendant que je disais n'importe quoi? Non. Anus Dei, je sais pas c'est quoi, mais Agnus Dei. C'est Agnus Dei, ça veut dire Lamb of God, l'agneau de Dieu. Ah, mais moi, c'est pas band. Agnus, c'est pas Agnus. c'est Anus C'est Agnès. Ça? Mais pourquoi qu'il me dit que ça existe pas? C'est un peu long. Parce que ça sort de ta tête. Ça, ce sera peut-être pas un bon moment. Ah oui, c'est Anus Horribilis. Ça, c'est quand il y a une année horrible dans les vins, des fois, ou dans d'autres affaires. Ah oui, oui, oui. Bon, là, j'ai parlé de vin parce que je connais juste les vins dans la vie. Ou une formule magique de Harry Potter. Moi, mais Anus Horribilis. Anus Horribilis. Ah, mais il y a aussi Anus Mirabilis. Ça, c'est quand l'aéroport de Mirabel a fermé. Ça, c'était une mauvaise année. Ah, wow. Mais non, je voulais dire que quand le vin est pas bon, tu dis « it taint good ». Oh my God! Yeah. Ouais. Taint like a taint. Ouais. Ah, taint. Taint, oui. Bon, hey, ça finit là. Ouais, je sais, ça finissait plus. Ben ouais, il fallait que ça finisse. Mais quand on a du fun, tu sais, quand on a du fun, on va perdre des auditeurs. Non, je pense qu'on va en gagner. Mais dans le mauvais sens. Des gens qui ont un sens de l'humour un peu déplacé. Troublant. C'est troublant. Trou noir. Voyelle. Cache-cou. Cache-cou, oui. Là, j'arrive à maman, dit « Mom, make me a snood. » Un cache-cou, chérie? Ouais, ouais. C'est moins swag. Ça serait un bon dessin animé pour enfants aussi, cache-cou après caillou. Ah, c'est vrai. Oh, cache-cou. Puis il n'y a pas de cou, tu sais, comme ça. Petit monsieur, pas de cou. Oh, je l'aimais, lui, malade. Bruno Blanchet. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Puis comment ça qu'il n'y a pas de suite avec le petit bonhomme pas de couille? C'est vrai. T'sais. Quoi? Petit bonhomme pas de couille? Pourquoi est-ce que ça n'existe pas? Je suis sûre qu'il y en a que ça existe. Ouais. Oui. Peut... Qui... C'est notre public cible, d'ailleurs, à Assemblage Requis. Fait qu'on peut pas se les mettre à l'eau. Ceux qui n'ont pas de couille. On est comme une revue Châtelaine, dans le fond. Exactement. Les 10 plus beaux hommes pas de couille. J'ai pas envie de passer une autre chronique. Oh mon On Dieu. S'excuse. Ok, bon. C'est une chronicus horribilis. Chronicus horribilis. Yes. Exactement. Merci Justine Renaud. Merci Justine Renus. Justinus Renus. Ouais. On te retrouve dans 2 semaines. Hey, tu t'avais-tu coupé des cervelles, là, à matin? Ils sont déjà coupés, je les ai coupés hier. Est-ce que tu les as tartinés sur une toast? Non, c'est ben trop petit. Est-ce que t'as acheté une star frite pour... pour les faire frire. C'est plus pratique, donc pour les hacher. Pour, pas pour hacher, pour faire des... Non, j'ai acheté une supernova cuite au four. Parce qu'on rappelle aux gens que Justine est vraiment une scientifique. Là. Oui. Elle dit pas des niaiseries de même le jeudi sans savoir existe, de quoi elle parle. Elle dit des niaiseries entre les choses vraies. Ouais. Ouais, c'est ça. Il faut juste savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai. Il faut je garder sur cette chasse au trésor. À l'écran, on marque vérité conséquence. C'est ça. À chaque affaire qu'elle dit. Sérieux? Ouais. OK. Merci, Justine. Ce fut pertinent. À souhait. Justine Pertine, tu sais. Malaise. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On répond à la question, quel est le pays où l'on consomme le plus de vin dans le monde? Étrangement, ce n'est pas en France que l'on boit le plus de vin dans le monde, connu pour la diversité et surtout la qualité de ses grands crus. L'Hexagone n'est que le 2e plus grand amateur de vin. Eh bien oui, c'est dans la cité pontificale au Vatican qu'on consomme 73,8 litres de vin par personne par année. Près de 100 bouteilles par année par personne, contre 42,2 litres en France. La démographie particulière du petit État, 900 habitants assez âgés en moyenne, et l'usage du vin pour les messes et la consommation expliquent en partie ce résultat. La fiscalité avantageuse y participe aussi. Les Romains profiteraient ainsi de l'absence de la TVA pour y faire le plein de bouteilles. Après le Vatican et la France, eh bien, c'est en Slovénie que l'on retrouve les plus grands amateurs de vin à 4 43,3 litres par année. Ensuite, en Croatie, à 42,6 litres, les Italiens, gros producteurs de vin, n'arrivent qu'au septième rang avec 37,5 litres par personne par année, soit 10 rangs devant les Espagnols à 21,5 litres par année, les Anglais à 20,2 litres de vin par année par personne, l'Irlande, simplement un petit 5,42 litres par personne et le Gabon, 4,7 litres par personne et ça ferme la marche mondiale. On aurait aimé savoir au Canada combien on en prend par personne, mais d'après moi, en tout cas, ça doit être autour de je sais pas moi, des au moins des Espagnols ou des Anglais, d'après moi, minimum. Mais bon, on le saura pas là, on le saura une autre fois. 5 astuces pour lutter. Non, on va se faire ça. Excuse, cet article-là est sorti, il n'était pas supposé de placer là. Il boit un demi-litre de rhum et fait échouer son cargo de 7000 tonnes. Le rhum, moi, j'ai toujours trouvé que c'était la boisson des pirates. Et là, on nous le prouve ici, hein? Un navire de charge de près de 7000 tonnes s'est échoué sur les côtes de l'Écosse après que son capitaine, un Russe, ah, mais là, c'est rempli de clichés, là. Un capitaine russe sous. Y a-tu un plus gros cliché? Ben oui. Ah oui, s'il avait été russe, il aurait fallu qu'il boive de la vodka. C'est le cliché de plus, hein. Donc, il a perdu le contrôle. L'homme était ivre après avoir descendu plus d'un demi-litre de rhum. Le cargo, le Limbsblink Seaway, long de 130 mètres, était parti de Belfast, en Irlande du Nord, pour rejoindre Skong, en Norvège. L'accident, rapporté il y a quelques jours par la MAIB, la branche d'investigation des accidents maritimes du Royaume-Uni, s'est produit à moins de 200 km du port de départ à vol d'oiseau sur les côtes de la péninsule d'Arnamunchan. L'enquête a démontré que le capitaine, qui est âgé de 36 ans, avait consommé une grande quantité d'alcool dans sa cabine avant de prendre le commandement du navire vers minuit. Le navire ivre, hein? Ivre, il n'a pas pu éviter la collision avec des roches près de la côte alors qu'il faisait avancer le bateau à peine 7,1 nœuds, ce qui représente à peu près la vitesse de 13 km/h. Quelqu'un qui court à côté aurait été plus vite. Le cargo est ensuite resté au même endroit pendant plus de 2 jours avant d'être dépanné. En raison des conditions météo mauvaises, ce naufrage a provoqué des fissures dans le réservoir du navire, laissant échapper plus de 25 tonnes de pétrole dans la mer, toujours selon la MAIB. Bravo champion, hein, le capitaine russe sous. On est vraiment rempli de clichés. Ici, je vous présente la pub qui a été la plus partagée de l'histoire. Eh bien oui, c'est une pub avec un orang-outan qui sympathise avec un chien, un petit canard qui est lové contre un chat. Eh bien oui, c'est la publicité d'Android intitulée Friends Forever. La fur, là, du poil, de la fourrure, c'est ce que je cherchais, est devenue la vidéo la plus partagée de l'histoire avec plus de 6,4 millions de partages sur la toile. Cette vidéo pleine de tendresse et de moments rigolos a détrôné une publicité de la Coupe du monde de football 2014 pour du yogourt avec Shakira. Celle-ci avait été partagée plus de 6,1 millions de fois sur les réseaux sociaux ainsi que les blogs. Donc, c'est une publicité pour la compagnie Android. Cette publicité avec des animaux si cute. Et puis, c'est en plus, le pire, c'est que c'est réalisé tout avec des petits bouts de films pris sur YouTube, volés, dans le fond, sur YouTube. Assez particulier, mais bon, ça en fait la pub la plus populaire de tous les... Pas la plus populaire, la plus partagée. Ici, ce sont des gens qui se font tatouer sans aucune idée du résultat final. Ils ont laissé le hasard les marquer à vie. Une vingtaine de personnes ont récemment accepté de se faire tatouer le bras gratuitement, mais sans aucune idée du résultat final. C'est un pari risqué qu'ils ont tenu à New York lors d'un événement baptisé « Wall Glory », « Toute la gloire », et ça rappelle le « Hole Glory », hein, ouais, OK, le « Glory Hole ». Donc, les participants devaient passer leur bras dans le trou d'un mur, ce qui nous rappelle un peu, dans les certains saunas, hein, des trous comme ça, des glory holes, où on passe le membre masculin dans des trous et on se fait faire des chatouilles par quelque chose de l'autre côté. Hein. Ça nous rappelle un peu ça. Et donc, les participants devaient passer leur bras dans un trou et derrière lequel un artiste travaillait avec son pistolet d'encre noire. Et toute communication entre le tatoueur et son sujet était interdite. Le tatoué découvrait l'œuvre, cette fois celle-ci terminée. En retirant des bandelettes, pour l'un, il s'agit d'une tête de mort aux cheveux longs, affublée d'un bandeau condo Trust. Pour un autre, eh bien, c'est une rose plantée dans un œil qui a été reproduite. Aucun n'a été déçu, les compositions étant particulièrement bien réalisées. Il faut dire que les tatoués savaient à qui ils avaient affaire. Scott Campbell, à qui plusieurs célébrités ont déjà fait confiance, comme Marc Jacob, Orlando Bloom ou encore Penelope Cruz. Courageux, mais pas téméraire. Ben, sérieux, les résultats sont très artistiques. Magnifiques, même. Allez voir ça. Les photos sont via la page Facebook du Dîner de con. Facile à trouver. Nous sommes tous... Ici, oui. Saviez-vous que les souris, finalement, fabriquent des spermatozoïdes plus grands que ceux des éléphants? En toute logique, de gros animaux devraient reproduire de gros spermatozoïdes, mais voilà, c'est l'inverse. En étudiant les données de près de 100 espèces différentes de mammifères, allant de la souris à l'éléphant, Stephen Loupol et John Fitzpatrick, des chercheurs des universités de Stockholm en Suède et de Zurich en Suisse, ont démontré que les animaux mâles mettaient au point des stratégies différentes pour féconder les femelles et que la taille des spermatozoïdes entrait directement en ligne de compte avec ces stratégies. Il existe en réalité autant de caractéristiques de spermatozoïdes qu'il existe d'espèces. Il y en a de petits, de grands, de longs, de courts, de ronds, de carrés ou presque, là. Et selon une étude, les deux chercheurs ont publié le 18 novembre dans Proceeding Bee, une revue de la Royal Society britannique, les petits mammifères se montrent plutôt économes en termes de quantité, mais produisent des spermatozoïdes très grands, au taux de réussite très élevé. En d'autres termes, ils sont moins nombreux, les spermatozoïdes de souris, mais ils sont redoutables d'une redoutable efficacité. Les plus grands mammifères, comme l'éléphant, obéissent, eux, à la stratégie du gâchis. Ils produisent un grand nombre de spermatozoïdes qu'ils utilisent sans compter afin de composer avec la taille de leur appareil reproducteur, hein, et de celui de la femelle, qui est plus grand chez les grands mammifères. Car dans les faits, il y a un risque que les spermatozoïdes se perdent tout simplement. Il faut donc multiplier les candidats. L'endroit est trop grand, hein? Dans ce cas, l'augmentation du nombre de spermatozoïdes est la meilleure stratégie. Avec plus de spermatozoïdes propulsés dans la course, le mâle optimise ses chances de concourir pour la fécondation. C'est ce que révèlent les chercheurs, étant entendu que développer de plus grands spermatozoïdes nuirait au volume fabriqué. Chez les grands mammifères, la quantité est donc préférée à la qualité. Chez les petits animaux, le risque de perte ou de dilution est beaucoup plus faible. Du coup, c'est la longueur du spermatozoïde qui prend l'avantage. Ce qui pourrait expliquer pourquoi les mouches drosophiles Bifurca produisent des spermatozoïdes de 20 fois leur taille, alors que les spermatozoïdes... Hein? Les mouches produisent des spermatozoïdes de 20 fois leur taille, alors que les spermatozoïdes humains sont 30 000 fois plus petits que notre taille moyenne. Assez particulier quand même, hein? Vraiment très intéressant ici, cet article. Des spermatozoïdes en pleine forme. On va rester dans le même domaine. Des spermatozoïdes en pleine forme grâce au kilt. Hein, pour avoir de fringants spermatozoïdes, il est conseillé de maintenir au frais ses testicules, telle est la conclusion la plus concrète d'une étude réalisée par un laboratoire néerlandais et qui a été publiée par le Scottish Medical Journal. Une seule solution, le kilt. Cela fait longtemps que l'on soupçonne les sous-vêtements masculins trop moulants de nuire à la production de spermatozoïdes, dite spermatogénèse. C'est en étudiant la baisse de la fertilité, dans la production mâle écossais que des scientifiques de l'Université Erasmus de Rotterdam ont eu la confirmation. Ils ont en effet observé une corrélation directe entre l'abandon du kilt traditionnel et la diminution de la fécondité. Or, comme chacun le sait, le kilt se porte sans rien au-dessous, ce qui permet à l'appareil génital de ces messieurs de respirer en toute liberté, ce que le couple infernal jeans-boxer ne permet plus ou presque. C'est en fait à la température de 34 degrés que la spermatogénèse se réalise et dans des conditions optimales. Or, on estime que le port du slip fait monter la température locale de 3,5%, ce qui appauvrit nettement la qualité du sperme. En conclusion, et la conclusion est sans appel, il faut faire de la défense et de la promotion du kilt une grande cause mondiale. On va aller tout de suite en pause musicale. Je vais vous offrir une petite pièce ici de Malajub. La pièce que je vous propose, c'est « Sensu ». On écoute ça tout de suite dans le Dîner de cons. We'll be right back. présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Comme on est jeudi, c'est la fin de la semaine, on doit se gâter toujours d'avoir accompli notre travail de façon adéquate. Oui, oui, oui, oui, tout à fait. L'amour a pris son temps. Oh, l'amour a pris son temps. Mais, le reste des paroles, là, je connais pas. C'est une grosse pointe en dresse. Une chance que j'ai une longue intro, j'avais oublié mon produit dans le bureau. Mais tu vois, je t'avais dit que c'était à 15 pas de distance. Ben oui, t'as fait ça de façon assez exceptionnelle. L'intro était parfaite, j'ai même réussi à atteindre mon cue d'intro. Bref, ça pour dire que c'est une grosse pointe en dresse, la chronique dans laquelle on goûte à un produit acheté au dépanneur, en magasin, peu importe, quelque chose qui est de la malbouffe. Et aujourd'hui, on a chacun apporté un produit. Oui. Je vais te laisser commencer, étant donné que t'es une femme d'expérience. Ah, okay. Une femme mature. Oui. Et les femmes d'abord, comme on dit, donc... Bon, la dernière fois que j'ai amené quoi, c'était un dessert turc assez bien connu là-bas, apparemment. Avec de la cocaïne dessus, avec une petite poudre blanche. Ouais, avec le sucre blanc, on se rappelle. Oui. Et cette semaine, tu sais, je pense que c'est une des choses que j'aime. Lorsque je veux te faire goûter quelque chose ou et me faire goûter quelque chose, bien évidemment, parce que je n'y ai pas goûté Faut avant. Faut pas que tu y aies goûté avant, ouais. Je m'en vais toujours dans l'espèce de... d'aller... des choses importées, je sais pas pourquoi. Ben, parce que c'est le monde est grand. Oui, t'sais? Ou ça, ou les affaires bio, mais j'avais pas tant trouvé de choses si exceptionnelles dans l'allée du biologique. Ouais. Alors, je suis allée dans l'allée des choses importées et je vous ai amené ceci. Là, je te le montre, caméra oui, 3. Merci. C'est fluorescent, tout ça. C'est très fluorescent. Je vais t'avouer que c'est pas trop écrit en français dessus. Alors, je vais essayer de voir ce que ça dit. Mais ça dit garder l'emballage à l'abri du soleil direct. Tu commences par les affaires importantes. Oui, oui, oui, il faut. Parce que j'imagine qu'il ne faut pas que ça fonde ou je ne sais quoi. Ah. Ça s'appelle... Ben, je pense que c'est la marque Sowan Pabdi. C'est du Papti Sowan Plaindre. comment? Écoute, mélangé avec naturel la cardamome. Alors, vous voyez déjà en partant que le français est pas super sur l'emballage. C'est des bonbons indiens. Ah. Et là, il semble y avoir, encore une fois, des pistaches dedans. OK. Des amandes. Pistaches, oui. Mais ça a l'air feuilleté. Mais quand tu touches... Ça a l'air spongieux. Quand tu touches au travers de l'emballage. Ouais. Okay. Quand tu touches au travers de l'emballage, ça me semble spongieux. Mm-hmm, comme un gâteau aux fruits. C'est ça. Ouais. Par contre, sur la photo, ça a l'air feuilleté. C'est vrai, hein? On dirait des cubes de tofu avec des noix dedans. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Je vais avouer que j'ai aucune idée de ce qui se trouve dans l'emballage. Espérons que c'est pas ce que je viens de dire. C'est de la marque Aldiram Snackbur. Ben oui. Taste of Tradition. Oh, ça goûte la tradition. Ça goûte la tradition. Et puis, écoute, je n'ai pas vraiment d'autre chose à dire à part le fait que c'est importé de l'Ontario et de l'Inde. Oh, tu veux-tu savoir les ingrédients? Ben oui. Ça contient des amandes, des pistaches, du blé. Et c'est ça. Ben, au moins, c'est minimaliste. Hein? Ben oui. Ah, ça dit qu'il y a de la farine de pois chiche. Pois chiche, ça prend par surprise, mais OK. Alors, ben écoute, je vais l'ouvrir dans le fameux micro magique. Ouais. Qui t'attend depuis jeudi dernier. Qui m'attend depuis jeudi dernier. Ça a l'air difficile à ouvrir en te regardant. Hein? Ben, faut que vous compreniez que l'emballage est quand même assez très serré sur le produit. Là. Il est tight. C'est très tight. C'est pas teint, c'est tight. Je l'ai eu. Oh, bravo! C'est comme blanc. Là, tu l'ouvres par le dessous, assure-toi de garder le haut. Le dessus, en haut, c'est ouais. Ça, c'est parce que j'ai comme peur qu'il y ait des choses qui tombent. Ah, OK. Ah, oh, c'est emballé sous vide, mettons. Ah, il y a une petite couverture un peu comme un plat de margarine. Ben oui, on peut le conserver par la suite après l'avoir ouvert. C'est sous vide, genre. Plein de choses qui tombent. On aime ça. Bizarre quand même, vu que c'est scellé. C'est scellé, oui. je le décèle en ce moment. Oh! On dirait vraiment un plat de margarine, je m'excuse. On dirait vraiment de la margarine. Ou une mini lasagne, genre. Oh! ça sent... quoi? Ça sent le mélange de Vix et de... Ah! De Vix! Et de farine. OK. Ben, je vais te laisser, Puis as-tu une ustensile avec ça, quelque chose? Non, mais c'est déjà pré-coupé. OK. Donc, je vais te laisser sentir et en prendre un. Ah, ça sent vraiment bizarre. Oui, en effet, le Vix, hein? Le citron ou un petit peu, ou... Ouais. Mais on voit vraiment l'odeur de farine. Hey, je sais pas si c'est bon, là. Je ça a l'apparence soit de fromage parmesan, non, pas vraiment, de contreplaqué un peu. Contreplaqué, c'est vrai. Du plywood. Ah, on dirait que tu pourrais, on dirait que t'as acheté ça pour pouvoir mettre ça au fond de la litière d'un hamster. Ah, ben, la ça cave. Sent un peu ça aussi. Là, je suis supposé prendre un cube de ça maintenant. Oui, oui, oui. Avec mes doigts. Là. On dirait du foie. C'est parce que c'est tellement spongieux que tu ne peux pas prendre. Oh, c'est spongieux pour vrai. Ouais. Ok. C'est vraiment spécial. Ça, c'est fibreux. Je te conseillerais d'aller chercher une cuillère cette temps. Ouais, ok. Je vais essayer de faire ça du plus rapidement possible. Ouais, c'est ça. Fais ça pendant que je vais parler de. Parce que ça, c'est un petit peu trop bizarre. Je sais que je vais le remettre là, ça va avoir l'air un petit peu bizarre. Mais... Parlons de Tim Hortons un peu, les amis, pendant ce temps-là. Tim Hortons qui a transformé un restaurant de Grimsby en chalet de bois. C'est vrai. Donc, Tim Hortons qui essaie évidemment de faire la promotion de ses restaurants et ils ont transformé un restaurant en chalet. On l'a vu déjà à Calgary où on avait remodelé une maison pour promouvoir des offres d'emploi chez Tim Hortons. Donc, c'est pas la première fois qu'ils transforment quelque chose. Cette fois-ci, donc, on a redécoré un restaurant de Grimsby en Ontario pour la campagne Warm Wishes, en transformant ça en maison de Warm Wishes, House of Warm Wishes. La compagnie dit que c'est un chalet couvert de neige avec des lumières de Noël derrière et un intérieur qui ressemble à un chalet. Et pendant une journée, les invités du restaurant pouvaient demander des bonnes actions de la part de leur communauté. Et Tim Hortons essayait donc s'arranger pour pouvoir transformer ces bonnes causes, ces bonnes causes en réalité. Voilà. Merci Tania pour la cuillère. Ça fait plaisir. Donc je vais m'essayer avec le même cube que j'avais pris au début. On va. C'est vraiment ça la texture de watt un peu. De watt, ok. C'est watteux. C'est vraiment particulier. Et je vais faire vraiment attention parce que c'est sûrement à date le produit qu'on a apporté qui faisait le plus de dégâts potentiels. Donc je me tiens loin de tout. Et je vais prendre ma cuillère, je vais la goûter tout de suite. Ça va être utile. T'as pris une cuillère. Oui. Mais c'est pas grave. Vas-y, je y aller après. J'ai peur. J'ai peur aussi. J'ai pris une trop grosse bouchée. Attends un peu. Je vais en remettre un petit peu dans le plat. Mathieu a vraiment pas l'air certain. Puis je dois avouer que ça a l'air beaucoup plus facile à gérer sur l'emballage. Ouais, mais c'est vraiment, vraiment bon. Ah ouais? Ça a une texture, ça goûte vraiment beaucoup la barbe à papa. La barbe à papa? Je dirais la barbe à papa au citron. OK. C'est pas mauvais. Et pistache. Je vais demander à notre assistant numérique personnel, qu'on appelle Samuel Girard, de venir chercher le plat de ce côté-ci. Et de me l'amener. Et de te l'amener pour pas faire de dégâts. Tu vois comment c'est sympathique? Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Merci, Samuel. Donc, on tient à vous dire, si vous achetez ça, attendez-vous... Merci, Samuel. Attendez-vous pas à ce que vous puissiez le manipuler de façon assez exceptionnelle. Est-ce que t'en as pris beaucoup, finalement? Non, juste un petit peu, mais ça goûte... tu vas voir la barbe à papa au citron. C'est pas mauvais. Mais ça sent vraiment... OK, j'y vais. J'ai peur, moi aussi. C'est spongieux comme collant un peu, puis c'est bon. Ça fond un peu sur la langue, pareil comme la barbe à papa. Ben voyons. C'est pas pire, hein? Ça goûte aucunement ce que ça sent. Absolument pas. Et de ce que ça a l'air non plus. Et de ce que parce ça a l'air. Parce qu'on dirait le dessus d'une lasagne qui était genre, avant d'être gratinée. Mal t'sais. Gratinée, ouais. C'est ça. C'est parti. C'est vraiment fibreux. C'est tiens, foin. Sam, je t'en donne. Samuel, si tu en veux. Non, il n'y a pas l'air, non. Non le y matin, a pas l'air sûr, c'est lui. Ça, non. Faut ben, garder son estomac pour assumer la liberté. Mais il n'y a pas. C'est là que les opinions sont, dans son estomac. Il n'y a pas beaucoup de pistaches, hein? Ça a l'air plus broyé que sur l'emballage. J'ai pas goûté les pistaches, j'ai pas goûté les noix non plus parce que sur l'emballage, OK, premièrement, sur l'emballage, c'est coupé en cubes, ce qui est complètement impossible à couper en cubes. Non. Impossible. Et il y a des noix et des pistaches visibles sur les cubes, ce qui est physiquement impossible. Mais il y a comme des morceaux, d'après moi, ça a été broyé à l'intérieur des cubes, les pistaches, ça les amandes. Ça se peut, ça se peut. Mais c'est spécial puis c'est pas mauvais du tout. On finira ça après, genre. Hein? Bon. Pendant qu'on parle rapidement de quelques trucs de Tim Hortons, on a dit la semaine passée qu'on faisait un bloc thématique, ça continue. Tim Hortons qui va couper les coûts en enlevant les tasses de porcelaine de quelques endroits. OK. Selon le Globe and Mail, Tim Hortons est en train de faire le test de réduire le nombre de tasses de porcelaine dans ses restaurants. Apparemment, c'est une stratégie imposée par 3G Capital Partners LP du Brésil pour réduire les coûts. Donc, les pancartes ont été postées, affichées dans plusieurs succursales, disant à leurs invités que pour réduire les efforts de lavage, donc l'utilisation d'eau, et améliorer le programme de recyclage de leurs verres, ils allaient enlever les tasses de porcelaine. Pourtant, s'il y a quelque chose qui est supposément environnemental, c'est bien de ne pas utiliser les verres de table, mais ça prend de l'eau pour laver les tasses. Bon. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est... C'est vrai, hein? C'est sûrement c'est sûrement qu'est-ce qui leur coûte moins cher. Probablement. Peut-être moins cher d'électricité d'enlever le lavage de tasses, et eux autres, le recyclage, ils font juste l'envoyer aux déchets... Peut-être bien. Au recyclage. Bref, c'est ça, c'est confirmé. C'est dans des endroits non traditionnels comme... ça va seulement avoir lieu dans les endroits, pour l'instant, où les gens ne s'assoient pas pour manger. Donc, les Tim Hortons plus petits, où on prend ça pour emporter, où il n'y a pas de place pour s'asseoir, ça donnerait rien d'avoir des tasses, mais il y en avait quand même pour ceux qui en voulaient. C'est ce que ça met. Intéressant. Oui, on n'a pas tant de place pour les nouvelles. On va y aller tout de suite avec mes produits à moi, parce qu'il est comme vraiment rendu temps. C'est des Skittles. Et c'est là quand tu les as achetés. T'es là quand... Pour vrai? Oui. C'est où? C'est au Toys R Us. Ben oui, toi. Je me rappelais même pas. Donc, on a deux sortes de Skittles. On a les Skittles dessert et les Skittles du verger. C'est super pas original. On devrait pas passer plus que 2-3 minutes là-dessus. Mais vous, Skittles du verger, ça goûte quoi, la carotte? Je me la demande aussi. Donc, attends un peu, je vais t'envoyer le... Il y a des affaires à lire avant. Ah, OK, vas-y. Les saveurs. Je vais t'envoyer ça tout de suite. Celui du verger, c'est orange, pomme rouge, cerise, lime et pêche. C'est nouveau que c'est marqué dans le coin, mais je pense pas que ce soit si nouveau que ça. Du côté de dessert, c'est... lait frappé aux fraises. OK. Crème à l'orange, tarte à la lime, tartelette au bleuet et sorbet aux framboises. C'est sans gélatine et le produit montré n'est pas de taille réelle. Voilà. Tiens, je t'envoie ça dans le corridor où les accidents sont impossibles. On va se dépêcher à manger ça, là, mais... J'ouvre ça dans le micro. Micro magique. Skittles dessin. C'est dur à ouvrir les Skittles. Toujours. OK. Ah! Les bleus sont proéminents dans les desserts. Okay. Là, j'en ai comme 12 dans la main présentement. On ne pourra pas prendre le temps de les goûter à la fois, malheureusement. Prête. Merci beaucoup. Et j'ouvre celui du verger. Moi, j'aurais préféré sérieusement carottes, choux, brocolis. Ben oui, des Skittles aux choux. Ben pourquoi pas? Qui n'a jamais pensé à ça? Ah, ça sent bon, par exemple. OK. C'est... Ceux au dessert sont quand même bons aussi, mais ça sent juste les Skittles, ça sent rien de bien spécial. On commence par... Oui, tu sais quel bar est quel bar? Oui. OK, dessert en premier? Dessert en premier. Une poignée ou... une poignée de... Ouais. OK. Moi, j'ai un rouge, un bleu et comme un orange pâle. J'ai 4 rouges, 2 pêches et un vert. OK, allons-y. 3, 2, 1, go! Oh, ils sont durs, hein? Ils sont durs. OK. Ça goûte les Skittles. Ça goûte vraiment la même chose que les Skittles normales, celui-là. Il n'y a absolument rien de spécial. Ils vont être tous mis ensemble. Pas que dans le gorge, par exemple, des Skittles. Ouais. Et ça fait saliver comme ça, pas de bon sens. C'est vrai, hein? J'ai rarement osé saliver dans la vie. C'est bon. C'est long à mâcher. Ben, faudrait peut-être pas en prendre 6 en même temps. Ouais, peut-être. OK, on y va pour le verger. J'ai un vert, un rouge et un autre orange par là. J'ai 4 rouges et un pain. Encore? Les rouges sont à la mode de ton côté. Et j'ai pas encore avalé l'ancienne bouchée. Moi, j'ai juste... je me suis tannée de mâcher et j'ai avalé. OK, on y va pour verger. OK, 3, 2, 1, go! Oh! Comment mal avaler cela, l'enfant? Oh! C'était quoi ça? Lime, pomme rouge. Oh, ça goûte... Ça goûte un genre de punch aux fruits. Mm-hmm. Style... bio. moins, un peu. Ouais, j'aime mieux celle-là. J'aime mieux verger, moi aussi. Le mélange de fruits fait vraiment genre... tu sais, les V8 aux fruits. Hein. Mm-hmm. Ça goûte ça. Ça goûte bon. Mm-hmm. Ouais. Test concluant. J'aime mieux les vergers. Ouais, mais en même temps, les Skittles, peu importe à savoir que tu mets dessus, c'est comme des jelly beans. On s'en mais là, je vais t'avouer que ceux aux vergers, ils goûtent pas vraiment les Skittles normaux. Hum, c'est vrai. C'est bon. Mais rien à dire de plus qu'un pouce sur le bord. Moi non plus. Pas en l'air. Pouce sur le bord. Pouce sur le bord. Puis pour mes petits bonbons indiens. Pouce en l'air. Pouce en l'air. Surpris. Vraiment. Surpris. Très surpris. Ne vous fiez surtout pas aux apparences dégueulasses. À ce que vous allez sentir et ce que vous allez voir. C'est beaucoup plus meilleur que ça n'en a l'air. Oh boy. Oui, on a dû faire vite sur le deuxième produit, mais c'est des Skittles, ça goûte les Skittles, puis c'est tout ce que vous avez à savoir. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis.